En direct du bord des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 115 de la saison 2023-2024 de la soirée du podcast. Feutré. Feutré. Jazz. Jazz contemporain ici. Jazz. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Ça, c'est moi. Le numéro 98, Alex Galipo. Yep. Le numéro 24, Marthe Véro. Yeah. Le numéro 37, Nick Chalifou. Et le numéro 75, votre animateur, Jeff Crown. Solo. Oui, solo. Ah, cette chanson. Un petit peu de Beauvril. Un petit peu de Beauvril. Un petit peu de Beauvril. Yeah. C'est solo. Solos. Apprécie quand même la musique, ça. Qui monte en intensité. Ah ouais, plus c'est du Diane Bibo. C'est bon, ce que t'as dit. Ouais. On n'aurait pas pogné ça sur un vinyle que j'avais chez nous. Un vinyle, ça. Un vinyle, c'est un gars qui fait rien que jouer des tonnes d'or. Earl Grant. Tout acheté ça. Quelque chose du genre, là. Earl Grant, toi. Je sais ça, ce vinyle-là. Vous avez l'air bon. Ça m'a fait ça, Chris. C'est feutré, quand même. C'est très feutré. Ah ouais, c'est gospel, là. Ah, voilà. Écoute ça chez vous, là, en faisant la vaisselle du ménage. Ouais, c'est pan, can, can, can, can, can. Puis ça repart après ça, là. T'as c'est comme la vie. Mais ça en faisant l'amour, non? Eh oui, ça doit être bizarre. Mais comme ça, feutré doucement. Aïe, aïe, est-ce que ça doit être bizarre? Le rythme doit être fucké total. Ben quoi, essaye de suivre le beat, là. T'es pas capable de s'y, là. T'es déjà craché la bière pendant l'intro. Je suis correct. J'ai croisé les broches. Aïe, aïe. Ah. Ben pourquoi? Ben, croyez-le ou non, la soirée du podcast est une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle avec passion et boisson, bien sûr, ça paraît. Des sujets chauds couverts par des gars chauds, toujours sans JF Mallette. Un jour, il va revenir. C'est le Christian Dvorak de la soirée du podcast. Ben non, mais non, c'est Dvorak qui revient. Pas lui. Mais là, fais ça. Le gars qui s'est blessé au début d'année. Weber. Non, Dak. Weber l'année passée. Ou Dak. Kirby Dak. C'est notre Kirby Dak. Là, on est à veille de faire un LSDP enquête pour trouver ma lettre. Mais tu es où? C'est ça. Il devrait être là pour le prochain épisode. Il y a des rumeurs qui sont sur le protocole. Propecia aussi. Propecia. Mais elle a une belle, belle chevelure. Ben oui. Ouais. On va aller faire l'avant-match. Il y a des jingles, on les met. Ok, ouais. Why not? Why not? Hey, je blaste pas, il faut croire que j'ajuste mon éclairage. Ouais, t'es blasté. Vous autres, vous êtes beau, moi, je suis bien blasté. T'es blasté. T'as-tu la même webcam que nous autres? T'es blasté comme une ben, veste. Oui, c'est une nouvelle. En fait, je viens de la changer. Tu l'as changé, parce que hein, c'est ça. Ben là, je pense que tu le You est dans le tapis. Pourquoi je fais ça? Ah, c'est jeu. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est par reflet à votre éclairage à vous. Donc, ouais. Ah, tu l'as éteint complètement? Ouais, ben là, ça fait le meilleur job, mais j'ai pas pris le temps à celle-là de l'ajuster. Wow. C'est peut-être ça aussi. Mais t'es encore blanc-bleu, pareil. Je pense que c'est carrément l'ajustement de la webcam. Black est, rain, ouais, comme les toilettes. Je fais ça à des périodes. T'as le teint, il parle. Ouais, c'est ça, là. Ça va-tu, Gilles? Non, mais c'est correct. Ouais, couleur porcelaine, genre pour un lavabo de salle de bain. Tantôt, je vais vous mettre en duplex, puis je vais m'ajuster moi-même quand vous me verrez pas. C'est bon. Parce que oui, là, on a amélioré le studio Young Media ici maintenant. On a un studio officiel avec bord percé puis tout. Là. Ouais, percé, c'est des lumières. Des lumières. On a tous besoin de soleil, mais JF en a besoin plus que moi. S'il vous plaît. Là. Mais même que je regarde en plongée parce que je suis dominant et je suis debout en ce moment. Dominant. Et on ne remerciera pas mon Patreon parce que c'est pas à cause d'eux autres qu'on s'est payé tout ça, ce bel équipement-là. Non, c'est tout volé, ça. C'est tout JF qui a payé. Mais on va les remercier quand même, nos Patreons. Et on va les nommer ce coup-là parce que j'ai pris la peine de prendre les noms. Demandez le nom. Donc, on va remercier Jeff Lavoie qui est notre valeureux Patreon. Qui fait longtemps qu'il nous suit, lui. Ben, c'est lui qui a donné 50 au début de la saison qu'on puisse avoir des beaux équipements. On fait une clap de golf. Cheers. Ça a l'air de plein de monde de stick qui sont en train de fapper, man. Ah! Il manquait juste des petits sons louches, puis c'était parfait. Yeah. So good! Deeper! Bon, c'est des petits fap sounds pour... Ben oui. La dernière fois, on avait aussi un nouveau Patreon qu'on n'avait pas le nom. Donc, Marc-Antoine vient. Donc, c'était bien et bel et bien un Marc-Antoine. On est chanceux. Et aujourd'hui, c'est joint... Un peu, petit fap. Ouais. Pour un beau total de 2$ et 2 US. Mais bon, aujourd'hui, c'est joint à nous Éric Laforce, a.k.a. Trent Faucon. Oh! Comment? Qui marche pas? Bon, ah. Évidemment, ça marche pas. Donnez-moi une seconde. Ah, j'ai manqué mon cue parce qu'il faut que j'aille sur lui. Trent Faucon. Ouais, on revient. On repart le podcast. Non, non. Éric Laforce, a.k.a. Trent Faucon. Oh! Oh! Oh! Lui, il vient avec un overlay puis de l'animation. C'est aussi. Vrai, c'est en fait, c'est un outil de Rétro Nouveau qui avait fait ça pour Rétro Nouveau qu'on utilisait une fois et on a arrêté de podcaster. Mais ça, c'est bon, c'est excellent parce que ça prouve qu'on l'apprécie beaucoup. On le remet. Il peut nous donner plus. Ça, c'est lui qui a fait ça. Là. C'est malade. Nice, man. C'est lui qui a fait ça. Ouais, c'est lui qui a fait ça. À un moment donné, à Rétro Nouveau, il disait, je pourrais-tu faire ça pour le pre-show? Je suis comme, ben ouais, vas-y. Nice. Parfait. On va l'utiliser, ça. Tantôt, il est venu joindre nos Patreons en pitié parce que j'étais allé mendier sur le Discord, d'ailleurs. le Discord, le hub, si vous voulez nous rejoindre, on est sur le hub. Donc, voilà. Ça pourrait-tu marcher, ça? Mettons, j'envoie un email à quelqu'un à job, puis ça fait ça quand il l'ouvre. Genre, c'est cœur, hein? Bref, on a un Patreon, donnez ou donnez pas, on s'en calisse. On va faire pareil. De toute façon, il n'y a pas de contenu spécial dessus. Non, il y en aura peut-être éventuellement. Là. Je sonde. Pour la prochaine saison. Je regarde ça, ouais. Des photos à la chambre. De nous ouais, c'est ça. La croupe, yes. La fameuse croupe cam pour voir nos verges. Calendrier des pompiers version LSDP. C'est ça, exactement. Ce ouais, serait terrible, on le fait. On avait déjà fait l'idée, je pense. On a parlé de cette idée-là, mais tu sais, c'est pas... C'est pas faisable. C'est pas rentable, cette histoire-là. C'est pas... On vendra rien. Y a pas personne qui va vouloir ça. Je pense que ça aurait plus de chance avec un lavaton, man. Ou quelque chose. Je pense pas que notre comment, notre crowd, ouais. Notre fanbase veut voir ça. Va acheter nos calendriers de pompe. On va faire un calendrier de pied. Ouais, c'est ça, calendrier de foot fétiche. Nos fans, c'est des foot fétiches. C'est le fantanil. On va chercher des nouveaux. Ben, on n'a pas de période, fait qu'on commence à ma période. Voilà. Hey, ça, c'est décousu. On est en fait de saison, mesdames et messieurs. On va faire pas une série, on est down un peu, là, j'imagine. C'est pour ça. Il nous reste 7 matchs. On a appris qu'on faisait pas une série. Hey, pour la troisième année consécutive. Ouais. Trois ans. On est-tu en reconstruction? Depuis notre finale de la Coupe Stanley, on n'a pas participé aux séries une crise de fois. Fait qu'on s'est rendu à la finale de la Coupe, puis après ça, on a été éliminé des séries trois fois de suite. Moi, c'est plus logique. Quand même, mais c'est bon quand même. C'est... Ben non, mais c'est correct. Là, on prend notre mal en patience. On fait ce qu'on a à faire. On fait nos devoirs de fans, de fermer notre gueule. Puis de... Non, mais on a du fun. Les jeunes grandissent. Ben oui, une équipe de perdants. Ça correspond aussi à la games sont que Price souvent, a joué. Ça n'empêche pas que les games sont bonnes. Même hier, la game était bonne. Mais tu sais, même team aujourd'hui avec Price dans les goals, on est probablement dans le portrait. Mais si tu dis à n'importe quel fanbase de la Ligue nationale, mettons, là, une fois par 10 ans, c'est sûr que tu t'en vas à la finale de la coupe, ça se peut que tu gagnes, mais le reste du temps, tu fais pas les séries. Et en tant que fanbase, tu dis oui ou non? Et les propriétaires, ils voudraient jamais ça. Non, mais j'aime mieux. Pour le vrai, j'aime mieux avoir l'effervescence des séries. Moi aussi. Ouais, moi tout. Même si je sais que je vais pas loin. Même si tu te rends pas. Ok. Même si je me rends pas. C'est notre printemps. C'est notre printemps, c'est l'acheter. J'aime ça me rendre. C'était quand même une chance. Faire un 2 rounds, c'est fun. C'est ça, même. Il est en troisième pour avoir un petit thrill. Tu sais, l'année qu'on s'est rendu à la finale, on pensait jamais se rendre à la finale. Parce qu'on avait quand même une chance. Mais on était, on était l'équipe repêchée, Esti, cette année-là. Ouais, en plus. Aussitôt que tu rentres dans les playoffs, tu le sais jamais, man. Esti, que c'est que tu passes. C'est une autre game, pareil. Ça change, le mindset change. Non, je te dirais, tu me dirais une fois 3 ans. 5 ans, peut-être je dirais oui. Mais c'est parce que c'est trop élevé, ça. Tout le monde dirait oui, ça, ça va faire. C'est pour ça que 10 ans, c'est trop. Ah, voilà. 10 ans, c'est énorme. Je comprends. Mais toi, tu parles en tant que fan, tu sais, parce qu'en plus de ça, tu sais, là, tu sais, les Canadiens, on sait que si on tout le temps voulu faire les séries, on est sans calice, là, tu sais, eux autres, juste comme ils ont faire du cash. Ah non, mais le cash, d'un point de vue, les revenus, ils veulent, tu sais. Ouais, mais ici, on n'a pas besoin de ça. D'un point de vue d'équipe, c'est pas mais quand même, ils veulent en tabarnak. Ils veulent, c'est Greedy Fox. C'est pas oui. On n'a pas besoin de cash à Montréal. Là. Non, mais ils l'ont déjà fait pour ces raisons-là. Là, tu sais, comme là, faut tout aller chercher comme un joueur. Tu sais, de. T'as Gillette, peut-être. Mais, ouais, c'est ça. On dit ça, mais les revenus, même si on n'en a pas tant de besoin parce qu'on a un bon fanbase pour ça, ça reste que depuis que ça fait 3 années de suite là, qu'on est dans la merde puis la reconstruction, on est quand même plus sold out. On l'a été sold out pendant tellement longtemps. Temps, là. Fait que ça, ça donne l'exemple que malgré tout, là, il y a des revenus qui sont en moins. Mais... qui auraient pu. On pourrait aller chercher bien plus que ça. Ben, heureusement, pareil, ça prouve qu'on est pas assez intelligente et tout. Ils vont pas aller voir. T'sais... À un moment donné, là, c'est la fanbase aussi qui fait vivre ces salaires-là et ces joueurs-là. Ouais, mais les fans, je pense que les prix des billets, eux, sont trop chers parce que le corporatif est sold out. Oui. Ouais, les billets de saison, le corporatif, c'est sold out. Mm-hmm. Juste le monde, ils vont pas. C'est le monde en haut, là. Man, pour de vrai, c'est rendu bien trop cher, là. Ouais. La bière. Ah, mais là, c'est ça, exact. La bière, là, c'est 25$ de bière. Puis tu veux t'acheter un chandail officiel, là. Ouais, c'est rendu 300$. Pour vrai, là, tu sais, puis c'est jasé de ça avec Dave en m'amenant dans le char. Une des choses que je trouve qu'ils devraient, que les Canadiens devraient faire, puis ça devrait être une mission, genre au Québec, c'est de donner le hockey gratuit à tout le monde. Tu sais, d'en mettre ça à Radio-Canada, tu n'as pas besoin de payer un forfait TV. Chris, donnez le hockey au monde. Ça, c'est NHL contre ça. Mais comme Mark disait, en plus, Bell a nouveau. Tu sais, nouveau, c'est gratuit. Ouais, mais c'est NHL contrôle les droits. C'est ça, gars. C'est le cash, le problème. Mais il pourrait donner au moins comme zone des fans pas cher. Comme dans le temps de la Molson X, là, la zone Molson X était vraiment abordable. Puis mettre du grillage pour séparer avec le monde qui paye. C'est ça, c'est ça. Avec on vient comme au début du C'est un cage à poule, même. Ouais, non, mais la zone Molson X, la zone de famille, tu sais, ça valait la peine. Hey, c'était zéro une zone famille, c'était la zone Molson X. Non, mais d'un bord, t'avais la zone Molson X, puis l'autre bord, t'avais la zone famille. La zone Molson X, c'était hot. Moi, j'avais ça, aller voir les personnes. C'est là qu'on allait voir nos games. Dans la zone famille, il y en a qui se sont fait vider des bières à des tout petits. Moi, les meilleurs games que j'ai eu, j'étais allé voir la série. Tain, t'as guéri, c'est étonnant. J'étais allé voir les séries, dernière rangée en haut dans la zone Molson X. J'ai eu du fun en tabarnak. Mais oui, mais. Rappelle plus de la mais l'ambiance était malade. On s'est fait éliminer contre Philly. La zone Molson X, c'est là qu'il se dit les pires insanités si c'est pas dans les rouges en bas. Ouais, en bas, c'est plate en tabarnak. C'est là qu'on allait voir nos games. Oui. En bas, c'est poseur en crise. Les rouges, moi, j'allais, des fois, je faisais exprès pour crier. Pour écœurer le monde t'en notre sortie annuelle. Sans devoir aller expliquer. T'es un idiot, Rivet. Ça serait malade. T'es un idiot. T'es un idiot. Compte des buts. Le monde connaisse pas le hockey quand ils sont là. C'est comme, oh my God. C'est ça. C'est des businessmen. C'est qui s'en vient. Ouais, c'est tout du corpo. Tout du corpo. Le 14. Ben, c'est ça. C'est zone Molson X. J'aime mieux faire les séries plus souvent pour répondre à la question. Bon. Que, ben ouais. Bien correct, ça. Je comprends. Tu vois, pas besoin d'avoir bien du contenu, finalement. Non, non, on a juste besoin de parler. J'ai arraché ma caméra, j'ai eu de la saturation sur le mur, mais je suis encore aussi blanc. Let's go! C'est le cancer. On est vraiment rendu à l'étape que genre, c'est le bronzage en 4. C'est drôle de teinte. Là. C'est ça l'ample, moi, je pense, du Dolorama qui fait pas la job. Hey, GF, garde l'argent des patrons, on va te faire faire un spray tan en place. Tantôt au casino, il y a un problème. Tantôt au casino, je suis allé au casino tantôt avant de venir ici. Deux filles, on peut-tu prendre une photo? Peux-tu me prendre la photo? La fille était orange, je sais. Elle était Dorito. Orange! Ils t'ont demandé à toi de prendre une photo. Ouais, m'a dit, on peut prendre une photo? T'as pris ta photo comme un assis de boomer, genre. Ah ouais, je t'en regarde. Attendez l'instant, là, je suis là. Comme les femmes en rose, elles mangent trop. Ah ouais, en tout cas. Sideline. Et ça, c'est dans le temps, quoi, 2011 à peu près, il y avait les Doritos, là. Ils étaient orange. C'est ça. C'était leur robe quand ils sortaient. Ça faisait longtemps, j'avais pas vu ça. What the fuck? Tu sais, te colle dessus, puis genre, tu prends de la teinte, là. Tu peux t'étendre ça. C'est pas un chandail blanc avec elle, là. Tu vois pas une caresse, parce que c'est. Elle a sa face détempée, sa tête d'oreiller le lendemain matin. Ça paraît même au luminol, là. Une douche ici, une douchette qui est venue ici. Je pense qu'il y a un micro qui griche. Ah, c'est peut-être bien. Un, deux, peut-être pas. Toi, tu distorsionnes. Non, moi, je suis correct. On fait-tu un test chacun notre tour? Fermez les dents un après l'autre. C'est bien? OK, moi, il est ouvert. Allô, allô? C'est peut-être moi. C'est un excellent moment de radio en ce moment. Je vais le tester être tout seul. Tu connais? En pleurant. On a besoin de nouveau. Envoyez vos noms. Les gars, nouveau micro, nouveau film, nouveau stand. On cherche un commanditaire. Au moins, payez-vous la bière. C'est même qu'on fait ça, nous autres. On demande ça de même. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé avec le CH dans les deux podcasts, à part l'absence et le retour de Martin Saint-Louis. Moi, je n'étais pas là, même le dernier. J'ai plein d'affaires à dire. Ben vas-y, ça va être. Parce qu'on n'a rien à dire sur l'absence de Saint-Louis. On l'aura en deuxième. Son fils est peut-être ailleurs. Ça n'a pas bien été. Il est parti. Non, c'est pas vrai. On le sait pas. On ne veut pas le savoir. Mais c'est blessé au hockey, supposément. Puis après ça, il y a une complication. Puis il était hospitalisé. Je sais pas. Tu as eu tout. Mais David Savard qui s'est un peu échappé. Ouais. Pendant l'entrevue. En tout cas, on supporte son fils. C'est ça, tu sais. Personne n'en parle, personne ne dit rien. Puis David Savard, il sort de school. On supporte son fils. On supporte son fils. C'est ça, ça l'erreur cette année. On va y laisser. Mais en même temps, quand ça devient comme tellement caché de même, tu peux pas comme. Ouais, mais c'est normal, c'est sa famille. Ça leak un peu. Non, mais ça, c'est sa famille. J'ai pas besoin de le savoir. Je pense que ça. c'est quand même resté respectueux. Non, non, mais je parle pour savoir. Pour savoir, tu sais, c'est pas grave. Là, ouais, ouais. Dire, non, il y a, mais il n'y a rien dit en même temps quand même. Non, mais c'est quoi qu'il y a de si privé que ça aussi, tu sais, je veux dire, dans un sens. C'est ta famille, c'est correct. Oui, mais tu veux pas, tu sais, je veux dire, on parle pas de Michel Villeneuve, aussi, qui s'en va avec une caméra en avant, genre de l'hôpital, où son gars est venu essayer de filmer. Il y en a des épais qui essaieraient peut-être de le faire. Chez José Théodore, c'est ça. Des gens qui font les podcasts. Les gars, là, qui, c'est qui, ça, tu sais. Mais je veux dire, son du 25 son Stanley, là, ou c'est quoi les autres? Non, non, mais il y a eu une collision. Stanley, je veux dire, 25. C'est quand même quelque chose qui non, mais là, il cherchait un nouveau nom, puis il pensait Stanley 26, là, ça a l'air. C'est quoi, c'est l'autre? C'est des épais, ça. Stanley 26? Ouais, c'est des épais. Mais non, mais Chris, c'est des épais. Ils peuvent pas, là. Ben, ça a l'air qu'ils peuvent. Ils ont... Chris, ils ont vendu quoi? Stanley 25, puis ils ont fait 25 Stanley ou l'inverse? Non, c'est 25 Stanley qui ont vendu. Stanley 26. C'est ça. Stanley 25. Nice. Ben, tu sais, c'est en tout cas. C'est de bas étage, je disais pas. C'est ça. C'est du patinage de bas étage. Ici, au moins, on rote en le disant. Ouais. On n'essaie pas d'être sérieux. Ouais, mais on sait pas grand-chose. Ben non, on fait pas des centaines de milliers de views. Je trouve bon leur show. Moi, je l'ai écouté. Puis Max Truman, dans les coulisses, c'est super bon, même, ce gars-là. Dans les coulisses, ouais. Ouais, mais ils sont ensemble, les deux. C'est pas de lui qu'on pense, c'est de l'autre. Ah ouais, ben l'autre est où? Il me dérange pas. Ta gueule. On l'a été. Il est là, je veux. Il est avec nous. On s'en qu'ils fassent leurs affaires pour on fait les nôtres. C'est-à-dire, oui, ben, ils font le shit à eux autres. Eux autres, ils font de l'argent avec des views. Nous autres, on fait pas d'argent you avec pas de views. You, c'est boo. Tout. You do you boo. You do you boo. Hein? J'ai aucune idée de c'est quoi. J'ai jamais écouté leur show. Comme non plus. J'ai vu des extraits. Le show, il est bon. Moi, j'ai écouté. Ils ont fait 10 épisodes. C'est super bon. 10 épisodes. Ouais, on parlait. C'est excellent. J'ai même écouté. Non, mais c'est parce que ça remet des affaires bien en perspective aussi sur la conception que le monde ont des joueurs de hockey parce qu'il est. Ils protègent tellement ce qu'ils font que ce qu'ils font, c'est pas si pire que ça. Non, non. C'est ça l'affaire. T'sais, à un moment donné, c'est parce que le Canadien a tellement une culture de vouloir. Tu sais, la crise Price, là, quand il était blessé, puis ils disent rien, puis ils couvrent tellement, puis ils couvrent tellement. Genre, ouais, ils essayent tellement de camoufler que ça crée un plus gros malaise. Mais ça a commencé avec qui? Gainé qui a commencé ouais, ça? Ouais, mais ça après ça, Bergevin est parti tuer cette merde. Après, parce que les gens spéculent, puis là, ils se mettent à sortir une rumeur qui est totalement fausse, à prendre de l'envergure, puis c'est même pas vrai, c'est même pas ça, vrai patente. Ça a commencé quand Malahov est allé skier, quand il était blessé. Merci. On a tous pas ce c'est un scandale. Non, mais ils ont remplacé genre Linda Hébert, asti, dans l'ancien Linda Hébert, langue de Michel Villeneuve, hier, faisait de ça avant, tout ça, mais ils ont tout arrêté. Le monde a fait, tu sais, ceux qui disaient, genre, Renaud Lavoie, il sort combien de scoops, asti? Ils en sont plus, là. Ils en sont plus parce qu'il est comme à la retraite, là. Il est comme full acheté, asti. Il est à retraite. Il est pré-retraité. Tu sais, je veux dire, fait que t'aurais plus de scoops, là, vraiment, là. Fini, là. J'ai mangé une rondelle de guion. Ah, ça pas sur moi, hein, t'as raté ou t'as pété? Non? J'ai raté. Un mix des deux. Envoyez vos dons, qu'on vous dispute ça en odorama, tout le monde. Ça va être un spray. ASMR. Dave, fais ton. Guido. Fais ton Guido. Clay Guido. Nice. Allons-y avec nos plus et nos moins d'abord. Qui veut commencer? Alex, vas-y donc, ça fait longtemps. Ouais, Alex, vas-y donc. Parle, Esti. On commence à aller plus ou moins? Ouais, choisis. Choisis. Je sais pas, man. Hey, on s'en est Power Jeff 999. Let's go! Non, ben, pour de vrai, je vais donner le capitaine. J'aime bien le petit kit des goals. Primo hier, là. Non, hier. OK, attends. Ouais. Non, ben, je vais donner à Suzuki. Parce que pour le reste, puis tu sais, Suzuki, Sarkovski, Primo. Hey, tu sais, la game, là. Bon, ouais. Hey, j'ai manqué un podcast, je vois dans le nom. Non, mais Alex, j'ai malaisé, bon choix, ta gueule. Non, chier. T'as pas le droit de parler. Alex, non, mais... la game, là, Primo. Ouais, c'était fou, ça. Ouais, hein. C'était bon. Merci beaucoup, à la fin. Merci beaucoup. Mais justement, j'ai pris des petites notes. C'est juste le début. Des notes? Ouais. Primo. Primo, bientôt, va faire, il fait mois de mars, il y a eu une fiche de 3 victoires, une défaite, Carey une défaite Price en prolongation. Il avait dit, il fait chaud. Il fait chaud? Ben, il a gagné la Coupe Molson. Il a gagné la Coupe Molson. Bon. Ouais. 939 d'efficacité. Ouais. Excellent. 1,97 de buts alloués. Bon. Oui, ça. Il a fait son deuxième blanchage en carrière dans cette séquence-là. C'est, voilà. C'est Allen qui le bloquait. Il a 24 ans, Coupe Monson du mois de mars. Pour de vrai, ouais. À part sa game contre Tampa Bay. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça a Tampa, tout le monde. Il y a eu une bonne séquence avant ça. Coup de chair. Tu sais, ouais, il y a eu deux buts en désavantage numérique. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai manqué un bout, là. Il y a eu deux. Je me souviens plus qu'est-ce qui était quoi. Ouais, deux buts. Je me souviens de un. Il a été faible hier, il a été un peu faible, mais tu sais, l'équipe et tout a été. J'ai trouvé aussi, mais c'est ça. Il y a eu turnover. C'était un match. Mais ça a été un peu Cabochon en deuxième. Ouais. Lui, il l'a été aussi. Ben, quand une game finit 6-4, les deux goalers sont comme un peu à chier. Il y a des trous un peu partout. Là, dans ouais. C'est une game wide open. Il n'y a plus de goalers numéro 1 dans la ligue. Ouais, c'est ça. Il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus d'équipes qui ont deux goalers. Il y a encore des numéros 1. Ouais, mais il n'y a plus de grosses vedettes. Il n'y a plus de 60 matchs. C'est juste ça. C'est plus de big motherfuckers. Même Vasilevski, puis cette année, je veux dire, quand il est revenu, c'est comme... Il était même pas là hier. Hier, c'était le backup du backup. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y avait vraiment back-up. Les gars qui passaient, les amis. Mais Vasilevski, il y a une saison de marde. Ouais, Vasilevski, ouais. Il n'y a pas de saison. Avant Boom! Non, mais pour de vrai, il est overrated, ce gars-là. L'année passée et tout, il était en bas de 900, je pense, en moyenne, en save percentage. Il est overrated, là. Il a des mauvaises saisons. Non, c'est pour de vrai. Il y a une assez bon team avant de lui. Mais il n'y a même pas de 900, man. Tu regardes ses stats. Je serais curieux de voir, mettons, tu suis Vasilevski. Il y a une couple de défenseurs. Tu mets Vasilevski, la carrière de Vasilevski pendant qu'il jouait. Pendant, mettons, la carrière de Price. En place, là, mettons. Je ne suis pas sûr que le Canadien aurait fait autant. Non. Probablement pas. Ah, je sais pas. Mais quand même, sa défensive, même si c'était plus. Une équipe plus solide devant lui que Price a eu. Mais Sergachev, il n'est pas là, ça fait depuis le début de l'année. McDonough, il était défensivement assez stable puis fiable, mais il a quand même perdu une couple de défenseurs. Là. Ça l'aide pas non plus. Ouais, 915. Ben, l'année passée, bon 915. C'est ça. 915, cette année, 901. 901, c'est ça. Il est top, là. Mais il n'est pas né. Pas cette année, là. L'année passée, il était above average. C'est ça, il est plus un crise. Il est 151e. Il a quel âge, là? Il y a 29, quoi? 28? Je suis-tu mon calice? Ah ouais, il on en profite pour saluer Monseigneur Neveu dans le chat qui s'est joué à nous ce soir. Qui? Monseigneur Neveu. Mes respects, Monseigneur Neveu. M'a allé essayer de trouver ça. Il y a une game, il a perdu 9-2 contre la Floride le 17 février. 727 de rating. Des stats, des chiffres. Oh, the fuck can he lose il lose like il y a quel âge? Bon, Vasilevski a... Pas qu'on lisse. 29 ans. 29 ans, bon, bravo. Il va tomber dans son prime, là. Ben, Chris, il reste pas gros parce qu'un goaler qui goal de même, d'après moi, à 32, mais c'est fini. Moi, je pense qu'il est un peu overrated. C'est la blessure qu'il y a eu au début d'année ou l'année passée. Il est encore un peu rough avec, là. Fait que, ouais. Il y avait un genou. On a, alors, 59 qui demande, il est où, Mallette? On le sait pas. On cherche. Sérieusement, on est à veille de déclencher l'alerte en berre. L'alerte Mallette. L'alerte Mallette. L'alerte Mallette. Hey, mon Seigneur Neveu, c'est-tu le gars de. C'est le gars des chips de Retro Nouveau. Ah, ok. C'est qui le gars de Shawinigan ou Saguenay? Ah, oh, je sais pas. Lui, c'est Laverre Lechaire. Hey, Power Jeff, man. Il y a plein de monde du Saguenay qui nous écoute. Ouais. Saguenay. Je suis leur page à cette heure. Je suis sur les Saguenay. Hey, grâce à eux. Arvida. Qui va faire le call-out? On n'aura pas de call-out. Ou Nick le fera pour Mallette. Mais sinon. J'ai pas son mordant, je peux essayer. Il devrait être là, Mallette. Qui va faire le call-out? Power Jeff, c'est ça. Ça, c'est réservé à Mallette, le call-out. Il va être là pour le post-mortem. On va faire un call-out final. Fair. Mais sinon, voilà. Nick Suzuki. C'est moi qui ai donné 50$. Ah, excusez, j'en ai nommé trois. Ben, non, mais c'est Power Jeff, c'est Jeff Lavoie, donc notre donateur pour nos beaux écouteurs. Ouais, fait que maintenant, on sait que Power Jeff, c'est pas un gigot. Oh, Chris! Des beaux Sony, ouais, mon exactement, gars. Exactement, monsieur. Mallette écoute Stanley 25. Ouais, probablement. Je pense qu'il est invité demain. Il est en coulisses de Stanley 25 à tous les. Il va faire un call-out sur eux autres au prochain podcast. Ouais, t'as encore des plus, là. On a... En fait, t'as dit Suzuki. Suzuki, les boys. Il est à 0.96 points par match. C'est quoi tes plus, Alex? Il fait-tu partie de l'élite? J'ai tout nommé, vous avez plus besoin de rien faire. Mais... T'as des minutes, là. Dave, une bonne question. Fais-tu partie de l'élite, Suzuki? Il est à pas loin d'un point. Ben, je pense que t'as élite puis t'as superstar. McDavid, Kucherov, mais je vais te donner l'exemple de... McKinnon. Je pense que... Qui est élite? Je pense que Suzuki fait partie de l'élite en ce temps. Il était pas loin d'un point par match. Selon moi, oui, parce que si tu regardes un joueur comme... J'ai l'élite un peu plus peut-être je serais bon joueur. Mais tu sais, regarde... On est pas loin d'un point par match. Austin Matthews, OK? Écœurant. 64 buts, 63 buts cette année déjà. OK, c'est le meilleur franc-tireur de la Ligue en ce moment. Ouais. Mais puis il est considéré pour plusieurs comme un superstar. Mais le gars, il est dégueulasse en défensive. Il est pourri, il n'est pas complet, pourri. Ce joueur-là. Versus, tu regardes un joueur comme, mettons, Barkov, il fait bien moins de points. Mais ce gars-là, tu le prends dans ton équipe n'importe quand parce que il va te faire gagner en série. Il est all-around. Mais tous les joueurs de ton Suzuki, il va s'en aller plus vers plus ça. À un Barca, ouais, mais est-ce qu'on peut dire superstar ou pas? C'est comme pas superstar, élite, moi je dirais. Ouais, élite, superstar, ça serait la coche en haut, moi je pense. Peut-être. Ouais. C'est passé des joueurs différents. Tu sais, mettons, tu as le choix. Ok, mettons, tu pars ton équipe et tu dis, tu prends-tu Barkov ou Austin Matthews? C'est qui le reste de ton équipe. Ouais, mais il y a l'âge aussi qui rentre en ligne de compte. Barkov est un peu plus vieux. Autour d'eux autres, tu sais. Non, mais tu sais, tu bats ton équipe à l'entour de Barkov? Ou à l'entour de Suzuki? Autour de Matthews. Ouais, non, je pense. Barkov, non, mais Barkov, ça dépend des autres joueurs que tu as. C'est ça. Parce qu'il faut être des finishers, du monde sont capables de la mettre dans le net. Puis Matthews, il a ça au bout des doigts. Ouais, mais Matthews, il n'est pas capable de passer la première ronde de la deuxième ronde de série. Ouais, mais je pense que c'est toute l'équipe au complet. Donc, il a bâti autour de Matthews, ça peut marcher. Oui, bâtir autour d'un joueur. Ça peut marcher de bâtir autour de Matthews, mais bâtir autour de Marcus. Je pense que moi, c'est. En tout cas, mais imagine. C'est plus vaste. Tu sais, t'as même pas un Tavares. Ah, mais c'est. C'est construit autour de Marner et Matthews. Ouais. Puis même à deux, ils sont pas capables. Suzuki, il a 32 buts, 40 passes, 33e dans la ligue. À cause de ça. Il est trop d'affaires en même temps. Non, sont-tu pas capables à cause de ces joueurs-là ou à cause qu'ils ont tout le temps comme un def qui est. Leur def, c'est semi. Le goaler, c'est semi. Laisse passer, Chris. Mais ça se peut-tu qu'ils veulent juste jouer leur game leur manière puis pas y aller avec un système qui pourrait être plus efficace, surtout en série? Tu changes ta game en série. Toronto, c'est un mystère. C'est une constante. C'est une constante, Toronto. Mais non, mais c'est le goaler qui saque souvent. L'année passée, il était bon. C'est bon. Quel chat. Bon, Gaffi, ici. Non, mais la miaule, je l'ai un peu poussé là-bas. Elle n'a pas aimé ça, là. Tu veux te faire fouetter, ma belle? Ouais. Tu veux te faire fouetter? Alain, mais ça, c'est son cri normal, en fait. Dis donc ton plus, mon plus, mais pour moi, mon plus, j'ai peut-être donné mon plus la dernière fois à même personne, mais je pense que ça serait Slav, moi encore. Ben c'est sûr. Slav, il est bon à avoir joué. On voit une astuce de belle évolution. On est déjà dans du plus intéressant puis dans du plus ciblé que, exemple, Kotkaniemi dans le temps. Vraiment. Je sais. Il était benché. Non, mais il y a comme passé ce step-là, de dépasser ça. On l'attendait. C'est pas venu. Là, il est déjà rendu là, puis il vient d'avoir 20. Là. Genre, un petit montant de débile. C'est comme moi quand je suis bien chaud. C'est pas venu. Wow! C'est pas venu. Ah, il est venu! L'apogée. Je suis d'accord avec toi. Ben oui, c'est ça. C'est comme Kotkaniemi. Kéké, LT Scratch. Kéké qui mange la merde. Avec son mole. Qui mange la merde, il y a chier. Avec son nasty grain de beauté que tu veux juste y arracher. Mollé. OK, mais vu. Allez, boys. Il y a mon neveu qui demande dans le chat. Si Suzuki, c'est notre meilleur centre depuis Danfoss ou même Turgeon? C'est pas la même. C'est le meilleur centre depuis Plicagas. Écoute, ben gars, Danfoss puis Turgeon. Le 14! C'est parce que là, il. Ouais, hey, c'est le cinquième joueur à compter plus de 70 points dans les 25 dernières années. Ça inclut genre. Non, 25 dernières années, ça inclut Kovalev, Koivu, Plekanec. Ah, si, on est en 2024, tu sais. Ouais, mais c'est-tu qu'on a jamais eu de Patrick? Non, même pas. C'est. T'as un peu, moi, t'as dit Kovalev, Koivu, Domi, Pleki. Ah, oui. C'est le cinquième joueur à faire plus de 70 points dans les 25 dernières années. Ça va bien. Dans ces noms-là qu'on vient de nommer, admettons, il y a Koivu que les gens vont se rappeler, genre, je pense. Kovalev. Ouais. Kovalev, j'ai pas parlé de centre, j'ai parlé des joueurs qui avaient fait plus de centre. Kovalev, c'était un favori du public. Plekhi et Domi, ça va pas. Plekhi, on s'en colle. Ça passera pas dans les annales. Non. Plekhi, pas parce qu'il a pas fait des affaires de bonnes, c'est juste que. Dans le fou, j'étais jeune. J'ai fait une fois 70 points. Dans le fou, j'étais jeune, je m'en rappelle pas, je suis pas capable de juger. C'était juste offensif, mais t'es all around. Moi, je me souviens juste, dans le fou, j'écoutais le hockey et il était bon, mais je me souviens encore de Demers qui l'avait callé out. Pour qu'il est supposé de la mettre dedans. Je me souviens juste de ça. Comme tout le monde. Puis là, il est allé dans une date avec Julie Snyder. Les joueurs, il y a vu celle-là. Mais là, c'est juste. Je pense que Suzuki est plus all around. T'sais, il est bon, il joue sur le piqué. Mais attends un peu, on va donner de quoi, par exemple. Dans Fuss, il a fait ces points-là en étant un Québécois. On a eu l'expérience des Québécois, genre, qui peuvent pas tenir la pression de Montréal. Ouais, mais c'est. Je vais pas me dire que c'est pas vrai, là. On mais l'a vu le droit, c'est là. Pas vrai. Non, mais c'est à... Non, C'est plus tard, vrai, ça. Il n'y avait pas cette pression-là dans le temps de Danfoss pour les Québécois, parce que c'était tous des Québécois. Oui, il y en avait plus. Il y avait, mais pas autant que maintenant, mettons que tu en as un par team, il faut qu'il performe parce que c'est le Québécois du team. Il y avait plein de Québécois dans ce temps-là. Oui, mais il y avait. Non, mais il y avait plus de choix, tu sais. Puis je veux dire, Veuillé ou Brisebois dans le coin, parce qu'il chie dans les coins. Il y avait Brisebois qui était là pour manger ça, si tu veux. Mais notre recherchiste nous dit dans Fousse, 3 saisons de 90 points. Ouais, plus. Puis, Surgeon l'avait fait dans sa seule saison complète avec le CH, 90 et plus, ou 90 points, l'affaire de même, me semble. Dans Turgeon, mais le problème, c'est que Turgeon, il était là une année et demie. Ouais, là. C'est ça. Ouais. Fait que, ouais. C'est un peu dur à gager. Mais Turgeon, c'est ça, il a passé. Mais c'est Turgeon, il était là. C'est ça, ben oui. Il y a rien que passé. Il a bien rien que passé, ce style-là. Différentes époques. Tu fais tout non plus? Non, on n'a pas fait de plus. Ok, mais je vais. Armia, Calis. Ah, ben tabarnak, ah, ben, oui. je voulais dire Armia. Hey, Bonavent, il a compté 15 buts, man. Puis moi, j'étais un fucking hater d'Armia. Mais il y a 15 buts cette année. Puis 16? Il y a 16, je pense. Il a scoré 2 buts. Calvaire. Puis Chris. Des beaux goals, en plus. Mais bon, il joue de la bonne manière. Ouais. Ce que j'ai toujours aimé, même si quand il chiait dans les coins, là, il a gardé la puck, même s'il chiait dans les coins. Un bon gars. Mais là, cette année, puis ce que j'aime, c'est que Slaff, il peut apprendre de sa manière de jouer en ce moment, d'être combatif, puis de jouer gros, j'ai des stats. Protéger sa puck. Chris. Des stats? Slaff, c'est sa vie. Joël, c'était ton plus? Ouais, c'était mon plus. Mais Armia, là, il a tout été de séquence, par exemple. Ouais, mais là, oui. Mais il a tout eu cette année-là, depuis qu'il a été rétrogradé dans la Ligue américaine, il est revenu, parce qu'au début de la saison, on faisait fuck all, puis moi, j'étais un fucking hater, je l'haïs ce gars-là, je l'haïs avec une passion. Pourquoi? Moi, j'ai jamais aimé ce gars-là. Cette année, il n'y a pas besoin d'être sur le score sheet pour avoir une différence. Beaucoup plus faire une différence. Mais regarde, le gars, il a 16 buts en 52 games, 5 à ses 5 derniers matchs. C'est quand même pas pire. C'est une belle séquence. Tu sais, fait que c'est une bonne séquence. Écoute, il est 3e présentement dans le Canadien au nombre de buts égalité avec Slaff. Il a joué moins de games. Canadien, c'est pas un gros club. Non plus. Il joue pas sur le power play. Non, c'est ça. Il joue des avantages, c'est tout. Là. Il joue des avantages seulement. Il a égalé son sommet en carrière à date. Là. Je pense que c'était ça, 16 buts qu'il avait fait. C'était en 2019-2020. Il avait fait 16 buts. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ces stats-là. Ouais, t'as bien raison, mon gars. Correct, en bas. Puis il est candidat pour le trophée Bill Masters. Je sais, j'ai vu ça aujourd'hui. C'est notre candidat. Je pense que c'est mon micro. Hier, j'ai vu ça, je disais 15 buts, j'ai pas vu 16e parce que c'était à l'heure que la fiction. Indisposable. Mais tu sais, je disais, je me suis rappelé, je me rappelle Steve là des années quand on était tous fiers d'avoir comme 6 gars qui avaient compté 20 buts. Donc on était dans la cave. Lui, il a 15 buts, on est chanceux. On se contentait. Le Canadien a le plus de joueurs qui ont 20 buts. Ben oui. Ils ont tous 20 buts. Ils avaient tous 20 buts. Comme des vrais Québécois, là, on mangeait notre petit pain sec. On a plein de compteurs de 20 buts. On a 6 compteurs de 20 buts. Mais Armia, il a toujours été le même. T'sais, il a tout à fait des séquences que ça allait super bien. Mais pour l'âge qu'il a. Mettons, c'est bon. Ça, bon, moi, c'en est un qui est gros puis qui colle. C'est ça, est, mais il vaut net. Il je checkais ça, là. Tu dis, on avait des compteurs de 20 buts, mais tu checkes ça cette année, là. Kucherov, il a genre 130 points en affaire de même. Puis son équipe a 260 buts pour. Fait qu'il a participé à la moitié des buts de son équipe. Juste un joueur. mais il est fou, là. C'est malade. McDavid, McKinnon, Kucherov, ça n'a pas rapport. Ça c'est hors norme. On a-tu dit Bill Masterson? Ah, OK. J'ai dit Bill Masterson. Mais c'est Bill Masterton. Oui, c'est ça, Bill Masterton. Parce que Drouin va gagner, là. Drouin. Ah ouais, tu penses? Ouais, c'est bon. Ce qu'ils se disent dans le. Merci à mon. Comment? Monseigneur. Drouin va gagner le Bill Masters. Ouais, mon chandail du Canadien, Drouin, il va peut-être prendre la valeur. Drouin, là. Alex, c'est le seul gars au Québec qui a encore un chandail de Drouin chez eux. Qui a pas été brûlé. Le numéro 92, ça. Ça n'a pas fini, genre d'une friperie, là. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui ont converti leur chandail en Rouin. Quand tu t'en vas au Canadien encore, puis tu vois des chandails de Camilleri encore, c'est drôle, pareil. C'est quoi qu'on avait vu, nous autres, un moment donné, on était allé voir le hockey puis on avait vu un chandail. Là, genre de Dave Manson. Non, c'était Lyle O'Deline. Non, c'était genre un joueur pas rapport. C'était une recrue pas rapport qui a pas été là longtemps. Qui a jamais joué dans la ligue. Non, c'était pas. Avec moi, ça, Dave. Avec toi, ça. Non, mais je parle en général, on l'est pas tout là. Non, c'était un t-shirt, ça, je m'en rappelle pas, mais c'était un t-shirt. Je pense que j'ai une photo dans mon téléphone de ça. On a pris en photo parce que c'était un t-shirt d'une recrue qui a jamais joué dans la ligue. Personne n'avait acheté ça. Google photo. What the fuck? Google photo. Non. Éric Chouinard. Un t-shirt de Éric Chouinard. C'est encore pire que ça. Leblanc, j'avoue. Qui a un t-shirt de Leblanc? Sa blonde, peut-être. Non, pas ça. On allait mon plus à New York. Attendez-moi pas, je cherche quelque chose. New York. Joue bien. Ah, c'est ça, c'est lui! T'as qu'à pas nommer. C'est Catch! Exactement! C'est vrai, ça. Mais lui, ça les fait vendre. C'est vrai qu'il y a pas été le marketing encore là, pour Catch. Il a joué quoi? Il y avait Cole à côté. C'est ça, ils ont essayé de le mousser. Parce qu'il pensait qu'il avait fait son test VO2. Il était dans le meilleur des meilleurs. Il arrivait de la KHL. C'était-tu KHL, lui? En Europe. Il était en C'est Catch, il était pas dans la ligue. Il avait comme des gros stats, ce genre. Puis tout le monde pas il était pas de Liga, genre, pas de genre européenne, genre Finlande ou un truc de même. Non, je pense que c'est Slovaque. Ouais, non, pas de même. Slovaque, c'est Slovaque, sûrement. Je pense que c'est KHL. Puis c'est quoi qu'il a. C'est quoi qu'il a fait? Mais lui, c'était un fail total. Mais il a fini. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Anaheim. Puis il avait fait quoi, 16 buts dans l'année, quelque chose en même. C'est pas si pire pour le gars. Là, il avait jamais fait ça avec le Canadien. Il avait eu une meilleure saison avec Anaheim. Mais je pense que l'année d'après, ça a chié dans tel. Mais le point, c'était plus que j'ai jamais vu personne avec un chandail de Sea Catch. Sauf lui. Je sais. C'est comme. Wow. Toi, t'as pensé. On m'a défi le monde dans le chat pour trouver le gars. You're the one. Ça fait 2-3 ans de ça. 2016. Dave, je pensais que le chandail, t'avais pris dans la boutique des Canadiens, genre. Là. T'avais pris comme une photo dans la boutique des Canadiens, genre. Non, le gars l'avait sur le portait, puis on est parti à rire. On a fait holy shit! Mais il y a des rumeurs. C'est un gars qui lit trop le journal de Montréal. Il y a des rumeurs que ce gars-là, c'était Monseigneur Neveu. Non, pas la mer le chandail. C'est la même game que ça. Tu connais Simon Gamache. On l'aime pas, Simon Gamache. Il était pour Val d'Or. Lui. Qu'on l'aime pas, Neveu. C'était ce game-là. Ah, c'était ce game-là. On était tous là. Tout le monde était là. C'est toute la gang. C'est même mon vrai. La dernière game de la soirée podcast. Passez une méchante soirée après ça. Ouais. On a eu du plaisir. Hey, gars. Mais là, avant, pendant, après. Ça, c'est C'est-tu la fois? Ça, c'est-tu la fois que ma blonde est venue me chercher à Montréal? On a marché pendant 3 heures, chargé une place chargée qu'un téléphone. Puis j'avais pas mon fil. Ah oui, est-ce que ça finit en queue de poisson cette soirée? Ça, c'est des histoires pour la jasette. Oh boy. Peut-être la saison morte, la jasette. Good time. C'est même pas si intéressant que ça, je pense. Non, on s'en rappelle pas. C'était le 12 novembre 2016. 8 ans, tabarnak. Ça fait un bail. On va les faire nos moins de bord. Mais là, attends, tu peux élaborer sur New Hook un peu? Non, il joue bien. Toi, c'est ton plus? Ouais. Bon, ok, on va passer au next. Non, toutes mes autres ont été passées dans les gros plus. Il joue bien. Il a eu des plus dans les derniers épisodes. Il a fait des choses. Il a une bonne vision. Sinon, on serait Slav, là, encore pour la progression. Ça revient, on voit souvent les mêmes. Slav, c'est parce que Slav, je le checkais hier, là. Je montrais ça à ma blonde, puis j'étais comme, check comment que... Tu sais comment il bouge. Puis elle était genre, elle adore belle. Elle était, c'est ça. Elle était couchée genre, là, puis elle était comme, ah, il est bon. On s'en a un neveu, un gilet de Camel Harry. Ouais, mais c'est ça, on était pas loin, hein. Camel Harry en passant. Camel Harry, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, moi. Avec son tir avec le genou à terre. Si Catch, là, j'ai pas été fan. Hey, les triplets de nains dans le temps, là. Hey, Gionta, Camel Harry, puis Gomez. Camel Harry, il y avait un. Le chevreuil, Gomez. Il partait genre dans le centre. Tout le temps la même affaire. Coupait dans le centre. Comme Jeff Henderson. Josh Henderson. Comme un chevreuil. Si Blinded by the Light. Il arrivait dans la zone, puis il savait plus quoi faire avec la rondelle. Il checkait partout. C'est comme Josh Anderson. Seul, il va en arrière du net avec un tabarnak. Son mon moins Anderson. C'est moi tout, c'est mon moins. Puis lui, puis Devorak. Ok, mais on peut-tu faire une règle cette année que la même affaire que Price, qu'on avait pas le droit, vous aviez pas le droit de le nommer dans le temps pour le plus. Ça devrait être le moins automatique Anderson. On peut plus le nommer. On a des wildcards, on peut pas nommer. On a des wildcards, ok. On peut pas nommer Anderson parce qu'il on a nommé Jonta. Ok, ben D'abord, c'est Devorak, mon moins. Le gars qui a joué le moins de games dans les trois dernières années, Asti. Moi aussi, c'est Louis le manque de semaine. 4,5 millions par année, Asti, il joue pas une calisse de games. Hey, LSDP, là, t'as jamais de free pass, man. Non, fuck you, man. On va te picher dessus à chaque fois que je connais. T'écoutes pas les games et vends en un, moi. Josh Anderson. On est capable de frapper sur un gars à terre, Asti. Ah, c'est un peu la base du podcast. En fait, ouais, c'est ça. C'est un peu comme notre. C'est notre pitch à vendre, nous autres. On est comme d'autres, on va. T'es à terre, nous autres. On est content. Même les membres du podcast. Ouais, sinon, ça serait. C'est les grandes lignes, quand même. Ah, moi, Devorak, man, je suis plus capable. Il est pas là. Hey, il joue pas, puis je suis d'accord. Il nous fait chier, puis il est pas là. Il me fait chier. Il m'énerve, ce gars-là. Ouais. Il est jamais là. Ouais, il est jamais là. Il est là pour la photo d'équipe, le style. Mais oui, il est lait en plus. Il est plein de boutons. Cette année, je pense qu'il a utilisé que les racines. Mais c'est sa jambe en lait. Il m'énerve, style. Il est pas bon. Il doit pas manger assez de salade de salade. Je suis plus capable. Il est semi-frisé aussi. Il y a un qui m'énerve. Un petit blond semi-frisé, non? Oh, ouais. Il est vraiment... Devorak, c'est-tu c'est-tu une transaction de Bergevin? Jimmy Chalifou. Non. Quelqu'un t'a appelé Jimmy Chalifou. Pourquoi Jimmy? Hey, Jimmy! Hey, Jimmy! Jamais! Jamais! Ça sera ton nouveau nom, maintenant. On t'appelle Jamais. Mais oui, Anderson, c'est assez facile de le nommer comme moi, sacrément. Ouais, là, Anderson. T'as dépression depuis que Drouin est parti, c'est juste ça. Non, mais il joue pas bien nulle part. Il fait un fuck-all de bon. J'ai quel joueur de Tampa qui a scoré un but à l'Anderson, justement, en coupant au net, le même Stigo. Lui, il va toujours en arrière du net. Ce que lui fait plus depuis. Non, il va juste en arrière du net, puis après ça, il perd la porte. Fait toujours le même move. Non, mais il rentre le puck en, dans zone. Ouais, mais il va aller dire shoot tabarnak. C'est soit qu'il coupe au net en faisant la banane. Puis il perd parce qu'il va être un bâton à la Zetnik. La seule affaire. La seule affaire qui fait la crise de puck. La seule affaire qu'il fait, c'est rentrer dans la zone comme un astuce de train. Puis après ça, mais bon flash, Zetnik, c'était le gars qui comptait 20 buts par année. Puis Anderson, c'est ça, le gars de 20 buts par année. Close liné dans la glace. Aïe, aïe. Ouais, Kyle McLaren. Il s'en va au Panthers puis il se fait slicer le poignet. Il saignait partout. Là. Ah ouais. Il a eu 30 points de suture, je pense. Le poignet? Ah ouais, ils étaient. À la Odette. C'était le poignet qui s'était fait slider. Ouais, yes, je me rappelais pas que c'était le poignet. Je me rappelais que c'était fait chopper. La graine. Là. Il s'est fait circoncer avec un CCM. Il s'est fait sodomiser. Non, vasectomiser. Un peu de tout, là. Non, j'aurais plus d'enfants. Non, c'est vrai, c'est comme si. T'as vu ça? Non, c'est quoi? C'est vu ce film, t'as l'air d'enfant. Okay. Faut qu'on vous montre c'est mal. C'est ça le punch? C'est un peu ça. Ouais. Fait qu'on est tous d'accord, Josh Anderson. Bon, ben, on passe un break. Ben voilà. Je pense qu'on a, un moins unanime. Là. Je pense que c'est devenu... Toi, c'est qui sinon, vu que tu scratches, John? Ouais, mais... Grind, Nick, ah ouais. Ouais, Jimmy. Tu grattes dans la porte, là. Grind, vas-y, Jimmy. Je trouve que Schubel, il joue pas top. Puis je sais qu'on n'a rien à s'attendre de lui, mais je trouve qu'il il faisait les choses simples au début quand il est arrivé. Ouais, là, je le trouve un peu plus shaky. On dirait qu'on commence à voir un peu plus ses faiblesses. C'est pas un gros moins, là. Je dirais la même affaire de Harris. Oui, mais les deux, c'est un Harris, peu... Harris, il me gosse un mais peu. Mais Schubel, des fois, moyen. J'aime ça. Il est up capable. And down. Ouais, ben, c'est ouais. Ça. Il est capable d'être un petit peu plus combatif. Il aime ça crisser, le pogner le gars, essayer de le brasser un peu. Mais Harris, il était plus physique, Schubel, je pense, quand il est arrivé. Ouais. Là, il veut jouer au hockey. Là, il joue. Ouais. Il veut jouer la game. Il fait pas son rôle, ouais, tu sais. Ou Benoît, il s'est dit, je me suis fait sortir une couple de fois, faut que j'essaie d'en faire plus pour me démarquer, pour rester dans l'alignement, parce que il joue au yo-yo pas mal avec ses défenseurs, Robida. Dans le chat, on dit que Harris est moyen dans tout. Ah, ouais. il est moyen dans tout, ce gars. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, Harris... Mais les deux, c'est un duo, Chris Beige. Ouais, vraiment. Ben lui, puis Barron. Harris, Barron. Mais Barron, on le reverra plus. Sais, moi, je sais, mais pas Barron, joué, sont mais... tous ouais. Oui, ben Barron. Ouais, mais c'est en même temps, c'est quand même parfait. Là, pour j'allais voir le Rocket avec mon gars pour son équipe de hockey. Puis... On est allé voir le Rocket. C'est cool, ça. C'est fun. Ils se sont fait torcher, par exemple. Puis il jouait Barron, justement. Puis, tu sais, man, il était plate à regarder. Ouais. Dans le rock. Il est vanille. Tu sais, il est vanille. Finalement, t'as comme plus de fun d'aller voir les Canadiennes. Ça n'a pas de drive. Ah, c'est ça. Mais les Canadiennes, j'aime ça. Marie-Philippe Poulin. Ben oui. Ça s'appelle-tu les Canadiennes? Ben, non, non, c'est Montréal. C'est Montréal. Le team. Ils n'ont pas de nom officiel. À un moment donné, ils n'ont pas de nom officiel. Toutes les équipes, les 6 équipes, je pense, qui sont, ils n'ont pas de nom officiel. C'est tout le nom de la ville. Minnesota, Ottawa. L'année prochaine, ils veulent les nommer. Parce que c'est un team de filles. Tout le monde va acheter le chandail cette année. J'aime l'idée, c'est con, mais j'aime un peu l'uniformité des chandails, que c'est tout le même avec le logo de WHL. Ah, mais moi, je trouve que ça perd un peu. Ouais, ça fait un peu comme dans le temps de la machine de Montréal. Mais à 6 équipes, parce que là, les tons de couleurs, à un moment donné, il n'y en aura plus, mais à 6, je trouve que ça fonctionne pour l'instant. Mais j'aime quand même d'avoir une petite identité pour essayer d'aller chercher comme une... Je sais pas, une unicité. Là, aller non, chercher, mais c'est pour ta fanbase que tu veux faire ça. Tu ben veux oui, créer oui, quelque chose. Ça, sinon, c'est, ça fait fucking Blade of Steel. Des... C'était ça, le nom de l'équipe. Il y avait pas, il y avait la ville, il y avait pas le nom d'équipe. Ouais, c'était ça, les là, couleurs. Parce que tu veux pas avoir une ligue là, qui a l'air genre du Red Bull Crash Ice. Là, genre, faut que ça soit comme le fun. Ça, c'est pas une affaire de patinage en colline. Non, non, mais c'est ça le niveau qui vient d'avoir le sport organisé, que tout est réglementé, tout est comme, tu sais. Liberté comme NHL style, là, un peu. Là. T'arrives avec mais ton jersey vrai. Que tu veux, le nom que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Un petit club libertin. Oh, mais ils vont le faire. Là, c'est pour laisser au moins une année pour voir leur attitude. Un petit club libertin. Ça pogne en crise. C'est ça. Ça pogne. Ben oui, mais oui, peut-être qu'ils vont déterminer le nom avec l'identité de l'équipe d'après. Il a commencé à sortir des noms. Ça a l'air que les filles ont suggéré des trucs. J'ai hâte d'avoir un nom. Mais c'est correct que ce soit les filles qui suggèrent peut-être leur nom d'équipe. C'est eux autres qui jouent pour l'équipe. Il y avait les Canadiennes qui avaient sorti, mais moi, je pense qu'il faudrait se détacher du camp des Canadiens. Ben, les Canadiens, ils les appelaient comme ça. Non, mais les il y a déjà Québécois, eu une équipe des Canadiens. Oui, mais les années avant, il y avait une autre pas ligue. Pas dans la W. C'est une autre ligue. Puis c'est les Canadiens. Que la présidente, ça soit genre Scottine Bowen. Scottine Bowen. Ouais. Marie-Ève Bergevin. Marie-Ève Bergevin. Brigitte Boudreau. Alex volait son livre. Oh, oh oui. My God. Ben c'est oui, sûr. Son autobiographie de fuck all. Genre, il n'y a rien encore. Peux-tu donner un mot à Alex Burrows? Hein? Oh, ouais, pas sûr qu'il te fait une bonne job, moi. Non? Burrows? Il a l'air un peu crétin à l'entrevue. Burrows? Ouais. Il parle comme un attardé un peu. Je pense pas. Non, je sais, mais je pense qu'il fait pas une bonne job des unités spéciales. Je suis pas particulièrement. Ben écoute, le powerplay, c'est sûr que c'est pas reluisant. Ben ça s'est amélioré, par exemple, d'un peu, mais oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est sketchy, là? Ben, c'est très séquentiel. Mais on pourrait-tu dire que la défensive avec, fait que Robida, c'est qu'il se bourre de doigts de dame. Sérieux? Des doigts de dame? Mais ça, je le verrais bien, là. Il est tout gonflé. Il s'en crisse un rapide, là, ça paraît pas. Il s'en sort son jaquette. Il s'en siffle 2-3 en arrière du banc. Tu sais, le packaging en aluminium qu'on avait quand on était jeune avec les doigts de dame, il y en avait comme des rangées de 20 dedans. Mon père était un gros fan des roulés suisses. Les roulés suisses, c'était bon. J'ai des roulés, man. Les petits desserts de la les petits petits. Je les épluchais puis j'ai des tôles petits. Ah, oui. C'était malade. Il ramène pas de quoi d'ailleurs, Vachon, en ce moment. Il ramène genre les croquettes. Ah, excusez-moi, je sais pas quoi, là, vous allez. Les croquettes, c'est venu. Attends, lesquels? Les croquettes, c'est comme. C'est blanc, là, puis c'est comme. C'est foldé un peu. Oh, c'est que c'était bon. C'était des croquettes. Eh, Marie m'en achète. Il y a un maxi pas loin. Il va prendre une pause, moi. La pause va être tout le monde. Tout le monde, j'ai mouillé. Avec des croquettes. On va aller faire une pause, puis on revient pour la deuxième on période avec nos croquettes. Puis on revient. On est de retour. Comme ma gorge. Comme ta gorge, ben prends une bonne gorgée. On est de retour pour la deuxième période. Oui. Voilà donc, deuxième période. On a plus de son? Mais moi, ça, on a commencé depuis le. Parce que je ne l'ai pas mis sur le board. En fait, il faudrait que je donne un board à Dave. Il faut que Dave puisse peser les pitons aussi. C'est moi qui va faire ça. J'ai un petit USB si tu peux. Ben, tu pourrais avoir c'est un board. Voir les triggers. Et à chaque fois. C'est moi qui vais avoir les. Oh non, nanana, cocaïne. Il faudrait qu'il y ait encore. Je vais jouer tout le temps. Il faudrait qu'il y ait des rumeurs de cocaïne encore pour qu'on puisse leur jouer au moins. On en a sorti l'autre fois et on ne l'avait pas. On avait Coco. On avait sorti quoi la dernière fois? On avait Coco. C'était le gars des coyotes. Non, c'était pas la bébé zone. Non, non, non. le gars. Le Nutrushkin. Gary Daniel. Non, non, Nutrushkin. Le gars, là, qui s'est filmé en train de genre faire de la poudre dans sa chambre d'hôtel puis fumer son bat. Je pense qu'il faisait ça tout croche. Il y a sûrement notre chercheur qui va sûrement nous sortir son nom. Je vais montrer. Mais oui, je te donnerai Dave le board si tu veux avoir le soundboard. Oui, oui, moi, je veux qu'on les joue, les sons, c'est bon. Ben, je vais donner le contrôle à Dave. On a un autre board qui s'arrive. On pourrait le prendre, voilà. Shit, OK. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Non, c'est pas ça. C'est le gars. Directeur de général. Directeur général. J'ai pas entendu. Ouais, mais là, on est dépassé cette ère-là. On peut plus prendre ça. Mais on peut le remettre pareil. Là. Quand que les Ducks. Il est avec les Ducks, il est rendu où, lui? Les Kings. La prochaine fois qu'elle vient, là. Directeur général. Ouais. Ils vont venir à Québec, là, 4-7 millions. On peut s'en faire un petit preview. On a payé 5 millions là, pour qu'ils viennent. C'est le joueur des Coyotes, c'est Adam Rutschiska. Ouais, tous ses meilleurs calls. Puis tu rajoutes juste assistant, directeur général. On a quoi comme banque de calls? Michel Therrien. Oh, j'ai une bonne liste. Dans le cas de René. Dans le cas de René, ouais. Les chiens qui mangent la marde. Il est mieux de comprendre. T'as chié dans les coins. Il y a trois thèmes de coco. C'est mou comme la marde. C'est mou comme la marde. C'est vrai. Comme je les ai dans l'ordi probablement le pire. On avait des audios, ma foi, ma délicieux. Sa table de chevet de sa chambre d'hôtel. C'est ouais, voilà, stock. C'est Rusiska. Des bijoux. Hein. Ouais, ça, c'est Adam Rusiska. Je sais pas comment de dire ça, Dave. Là, comme un gars qui connaît ça. R-U-Z-I-C-K-O. On est rendu aux extraits audio vidéo, mais avant, il y avait quelque chose que Dave voulait qu'on mette dans les extraits. Le meat sandwich. Oui. Du Canadien hier, ça. Voilà. Boom. Juste pour voir un peu de violence. Là, ici, c'était beau, ça. Trois gros gars qui se rendent dedans. C'est, là, c'est bon, tout le monde tombe en plus. Est-ce qu'il devait être party eux autres après? Ah ouais, mon gars. Ça devait se faire des high five dans la douche. Bandé, mon gars. C'est où j'ai vu. High five dans la douche. C'est qu'il devait être bandé. J'ai vu en quelque part les Bash Brothers. Oui, oui, oui. J'ai vu ça passer en quelque part. Mais écoute, c'est tellement un beau hit, là. C'est beau beautiful. Sport, hein. C'est Mark tout sport. Commence à être croquant. Martin, une petite larme. Qui, no. C'est beau. Dans quoi tu vois ça? Genre, du monde se fait ramasser un sandwich de même. Là. Sérieux, là. C'est rare en crise. J'avoue. Le seul beau sport, c'est que t'enlèves ton équipement pour faire comme deux gars vont se battre. Regardez-les, là. On va voir ça tantôt dans les Around the NHL, d'ailleurs. Oh non. Dans quel sport, t'as trois gars qui se font une belle sandwich de même? Ah ouais. C'est beau. Dans quel sport t'as un joueur qui enlève un patin pour frapper un adversaire? Tu vas faire un nouveau je le sais. Happy Gilmore. Juste après que genre le il y en a deux qui soient morts du casse original. Oui, Chubbs va être mort pour vrai cette fois-là. Chubbs puis l'autre là quand il s'appelle. Les mecs, ils font le deux. Ils vont faire le deux probablement là. Puis Shooter va être là. Là. Ouais. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il fasse son argent. Lui, là. Il faut qu'il ait pas mangé. Rien, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas fait un film. Il est comme Kevin Smith, il surfe sur ça depuis 25 ans. Hey, c'est pas Kevin. Il a sûrement investi dans l'immobilier. Ils font tout ça. Probablement. Ils investissent tout dans l'immobilier, ils achètent des maisons, des villas. Ou ils les vendent. Sport d'un terrain de golf. Ah, c'est ça. Fait que là, pour les vidéos cette semaine, en fait, c'est le retour de Martin Saint-Louis. Donc, sa conférence après son retour. Donc, on lui a posé des belles questions tout en douceur. Là, c'est sérieux ou c'est drôle? Ben, c'est un petit peu délicieux, là. vous pourrez jouer. Ça au sérieux, on peut en rire. Non, il n'y a rien de... C'est de très touchant. On rit, on pleure, c'est touchant. En fait, il pleure tout le long, là. Fait que... première vidéo. Maman, je suis prêt. On lui a demandé, Martin, es-tu content d'être de retour? Non, c'est sûr. Je suis content d'être de retour pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que les choses sont stables à la maison. Ça n'a pas été une semaine facile, mais je suis content du retour parce que c'est ma passion. Moi, c'est ma famille puis le hockey. Puis c'est dans cet ordre-là. Fait que c'est le fun de revenir. C'est pour parce ça que les choses vont mieux. Je suis plus dans le hockey. Je suis content d'être avec le groupe. C'est pour ça que je joue plus de hockey que ma famille dans une saison. C'est l'ami de tout le monde. Vie, vous, même, je me suis demandé comment ça marche. Sa famille vit au Connecticut. Lui, il reste à Montréal. C'est un charter plane que le Canadien, dans le contrat, ça dit tu me payes un avion. Ça se peut. Si on a deux jours, j'ai le droit d'aller chez il nous. Doit pas, il doit pas payer ses dépenses de transport. Écrit sûrement pas. Mais après combien de jours pour aller chez eux? C'est quand ils ont trois jours off, deux jours off? Ouais, c'est à peu près ça. Ben non, eux autres, ils viennent peut-être une fois de temps en temps aussi. Coûte bien trop cher, ça. Si fuck that shit. Fire his ass. Déménage. Fire Saint-Louis. Quand tu sais que ta job est en jeu, là. Là, ça se met tout à couper, ça. Ouais, là, faut tu payes tes avions. Ouais, ça, ouais. Gars, là, on voulait te parler. Là, ça change Martin. Voilà, tu nous dois 100$ de dry clean. Ouais, c'est comme. Ouais, on te demanderait genre de remplir tes dépenses. Hein, tu pourrais-tu booker ton charter loin cette semaine? Quand t'es là au DEP hier, t'as-tu mis ça sur la facture? Ouais, c'est ça. Là, t'as genre 30$ de perdième de dîner. De perdième. Mais bon, non, Martin, le bon père de famille, le bon coach, le bon, bon, bon petit bonhomme. On fait toute la mais, bon petit bonhomme. Il ouais. Y a quoi de le fun. Ça, par exemple. Non, non. Mais avec la nouvelle NHL, ce qui est. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, tu sais, quelque chose comme dans le temps, là, il y a 25 ans, là, ta femme est en train de mourir, t'es encore lisse. Elle a couché, elle est morte. On est 32e dans la ligue. Tu vas manquer l'accouchement de ton enfant. On donne un sursis de 24 heures pour aller assister ta femme pendant qu'elle accouche. Après ça, tu t'en viens au plus Chris à cette heure. C'est cool. Ah, il donne au gars la journée, une couple de jours. Hein. Je me mets à sa place, son gars, il est à l'hôpital. Il est solide en calice, pareil. Tu sais, je veux dire, être comme demain devant un journaliste. Qui ferait ça? Tout le monde. Qui ferait ça? Là? Vraiment, tout arrive. Tout le monde. Mallette au garage. Ça va pas penser. C'est moi, sa famille, puis OK, puis c'est dans cet ordre-là. Je suis un bon père de famille, même si je suis pas là. Ah, c'est ça. Je les vois trois fois par année, mais c'est pas grave. Ces deux éléments-là sont vrais, mais l'ordre, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. C'est l'ordre que je questionne. Regardez, j'ai les photos dans mon portefeuille. L'ordre, quand il a dit devant les médias, c'est celui-là. Quand il a dit devant sa famille, c'est l'inverse. Vous savez que ma job, c'est. Vous savez, le moins, le hockey, c'est ma passion. Ma job, c'est ma job. Je suis passé après, mais je vous aime, là. Je vous aime, mais vous êtes deuxième. Rappelles-tu quand t'es malade, j'étais là. Le hockey, c'est venu bien avant vous autres. Le baptême, je suis allé. Pendant qu'il n'était pas là, en fait, ça a été Trevor Letowski qui l'a remplacé. Letowski. Il y a eu une victoire dans ça. On voyage dans l'Ouest. Ouais, on a demandé à Martin, t'as-tu dit à Trevor Letowski qu'il avait le droit de célébrer sa première victoire dans la NHL? Oui, mais c'est parce que Trevor, c'est un gars très humble. Oui, très humble. Chantal, c'est vraiment plat. C'est exactement le même mot. Non, j'ai. Comme tu dis, les entraîneurs, ils ont tous. Ils ont tous pris une responsabilité de faire continuer les choses. C'est comme. Burry a parlé aux médias, Roby a parlé aux médias, ils sont séparés la tâche. Trevor, il a eu la tâche peut-être la plus pesante, tu sais, mais il a super bien fait ça, comme, tu sais, puis c'est, comme je te dis, j'étais fier de faire partie de ce groupe-là, de voir comment que les choses se passaient durant mon absence, puis il a mérité cette victoire-là, tu sais, puis c'est une grosse responsabilité, puis ils ont très bien fait ça. Martin Saint-Louis qui parle comme ça. Si on perd du 4 coach dans la ligue, là, tu sais, c'est comme. Pendant mon absence, il a bien fait ça. Il a perdu 4 games, il a gagné une. Exactement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais j'aime au début. Encore là, c'est tout le temps une question de question. J'aime ça au début, pareil. C'est un gars arm, c'est ça? Ouais. C'est beau, Martin. On valide. C'est beau, Martin, beau français. Non, mais c'est ça. Épelle Herm en anglais ou en français, c'est la même astuce d'affaire. Là, ça va. Mais c'est vraiment que t'entends Chantal qui valide. Ah, ouais. Oui, Mike. Ouais, ben, il y a comme plus de subtilité là, non, en arrière de ça. Là, c'est rendu comme, hey, gars, c'est correct. Non, là, on le sait tout. Il punch les rêves. Moi, je parle tout le temps bilingue. C'est rendu, ça fait partie un peu du personnage. Puis comme, la mise en scène. Dans sa gimmick. En tout cas, moi, je le comprends. Mais c'est parce que la relation marche entre Chantal, puis lui, pis tout clique, fait que tout marche bien. Mais voilà. J'avoue que c'est plus smooth. C'est beau, tout, hein? Comme c'est conférence de Chantal, c'est beau. C'est comme son petit frère. Ah, Dave, ouais, c'est bien, c'est beau. Ça. Mais. Salut Chantal. Est-ce que vous vous souvenez. Tabarnak. C'est quand c'est libre. Mais quoi? On peut pas se permettre de perdre 2-2 par mois, Alex. Oh, comment? Dans les assistants coach, j'ai oublié. Est-ce qu'ils étaient tous là avant que Martin arrive ou il y a juste Robida qui est arrivé après que Martin soit là? Non, ils sont personne n'était là. Non, Burroughs. C'était même Burroughs, mais c'est tout. Ben non, il y a encore Letowski, c'est Saint-Louis qui l'a amené. Ouais, Bergevin. Okay. Tout le monde a été kické out. Ouais. Parce que c'était Muller. Ouais. Mais Muller est parti il y a fait longtemps. C'était Muller, l'autre que sa fille est morte. Charles Richardson. Mais. Le gars qui a une fondation. Ouais, c'est ça. Il y avait Richardson, Charles Burroughs. Beaucoup plus positif dans le gars que sa fille est morte. Ben, t'as mis Timmons. Timmons, ça repêche. Ouais, non, mais je parle juste des assistants coach. T'avais Richardson, t'avais Muller, t'avais Burroughs, qui ouais, resté. C'est ça. Puis la titre, après ça. Dans le temps du charme. Ouais, du charme. Hey, du charme. Non, mais il n'aura que, il n'aura fait que passer. Il nous a mis en finale. T'as la finale, mais il n'aura fait que passer pareil. Ouais, mais lui, il n'était pas supposé rester longtemps. Bon, c'est juste au début, lui, il est allé en finale, puis ils ont fait comme. Ils ont fait comme. Le signe, lui. Ben oui, parce qu'ils s'alignaient, puis là, il faisait comme. Tu sais, on va. La finale, non, non, mais. Parce qu'on savait même pas si Bergevin, il allait pas jumper, lui. Ah, mais. Quand il était rendu là, tout se pouvait, le rendu. À ce moment-là, il venait de faire la finale de la Coupe Stanley. S'il avait pas signé Bergevin à ce moment-là, il aurait fait comment ça, il a pas signé. Parce que tout le monde t'a bandé du charme partout, là. Mais c'est parce que c'était où ce qu'on t'était rendu dans la saison? T'avais pas le temps de faire un changement de coach là, Chris. On s'en allait vers la fin de saison, puis tu sais. Fait qu'il est juste resté un peu par défaut parce que fait comme ah, Chris, on changera pas toute notre structure. Puis là, on n'est pas en audition. Puis là, tu pognes un coach nowhere qui arrive. Les joueurs sont juste comme Chris. Je sais plus comment jouer avec lui, là, tu sais. C'est chicken stats. Là. One down. C'est qui arrive, là. Envoyez vos dons, on peut. C'est là de voir comment est-ce qu'il va se pencher pour aller chercher. Ouais, c'est non, ça. Il va rester Alex, jusqu'à la Alex fin. Va se, il va se pencher par les extraits. Ouais. Ouais. Là, j'ai un le prochain extrait, je vais me pencher. Puis oui, la job principale de chanteur, c'est être traductrice, clairement. Oui, ouais, merci, Derek. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Ouais, c'est un interprète. Prochain extrait après ça. Ça fait bien ça. Ouais. Ouais, pour vrai, ouais, chapeau. Le journaliste a dit Martin, t'es un leader dans la chambre. Il y a aussi des leaders sur la glace. Puis comment t'as aimé la réponse de tes leaders pendant ton absence? Mais tu sais, comme. être un coach, c'est important d'être un leader, mais c'est pas aussi important comment que tes leaders alentour se comportent. C'est, ça fait partie de ma job d'être un leader, mais. Faut que tu sois entouré. Des leaders. Puis j'ai ça dans mes the coachs. Puis on a ça dans nos joueurs. Puis c'est, comme je te dis, j'étais très fier de regarder mon équipe. Parce que c'est beaucoup de leadership. Il vient de dire de la merde. Est-ce que tu peux le remettre? Follow the leader, leader, leader. L'indice, follow ça veut rien dire. Il a genre dit. Il n'y a rien dit du tout. Là. Rien, non, mais il y a. Après des leaders entourés de leaders. Au début, là. Alors, au début, c'est vraiment bizarre. C'est des mots, man. Mais tu sais, comme. Être un coach, c'est important d'être un leader, mais c'est pas aussi important comment que tes leaders alentours se comportent. Ça, là, ça veut rien dire. Ça, là, ça veut dire quoi, ça? En tant que coach, c'est important d'être leader, mais les autres leaders alentours, c'est pas grave la manière qu'ils se comportent. Non, non, mais mes leaders sont bons. Mais c'est ça qu'il a dit. Non, mais c'est parce qu'il a comme dévié la réponse de sur lui. C'est juste trompé. Il a dit que c'était lui un peu le leader principal, mais que c'est plus important que les autres leaders. Oui, mais c'est pas important. C'est trompé dans ses mots. Je pense que là, c'est juste trompé. On s'en sacre. Moi, j'ai l'impression qu'il a juste enlevé comme le pressure dessus lui, puis tout de suite, il a tossé ça sur. Il y a d'autres leaders. Après ça, il a dit « Je suis ce leader ». Oui, sauf qu'il a dit « Ils ne sont pas importants, les autres leaders ». C'est ça qu'il dit au début. Il s'est bord de broyer. Il dit « En tout cas, c'est vraiment effectivement. Je suis le bord de broyer. Écoute, man. Il est émotif. Il vient de revenir d'une semaine. Mon fils! C'est ça, là. Il parle de ses leaders comme si son fils venait de faire la Ligue nationale pour la première fois. Il est sur le bord de donner un contrat à Gallagher puis de pleurer. Non, mais là, il est revenu, genre, puis il était comme en mode Rudy quand il s'applaudit tranquillement, genre. Ah, c'est-tu. Tu vois, je donne presque mon moins à lui, ce serait mon deuxième. Je pense, il est tellement dur à voir patiner, pauvre petit. Gallagher, il fait petit. Il part, là, puis il part. Il y a un gars dans le coin, là, il part. C'est-tu même qu'il y a eu un. Qui a fait un but qui a été refusé, accepté. Oui, c'était dégueulasse, ça. C'est-tu fucké, ça? C'est n'importe quoi. Good goal! Good goal! The goal! The goal! The goal! The ball never went in! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi, c'est qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? La NHL, après ça. C'est une mauvaise communication. Ok, c'est ça. Entre les. Ouais. Puis je pense qu'ils ont. Il y a Power Jeff qui dit t'es le même motif le Martin, mais je l'aime. On l'aime tous. Ben oui. J'aime mieux ça que. Ouais, c'est mieux que plein des coachs qu'on a depuis le plus. Sérieusement, là, sa meilleure relation, genre coach, public, puis tout ça, sérieusement, A1. Ben, j'hésite entre lui puis Connor Ward. Qui? Randy Connor Ward. Randy. Hey, lui, il était sur. Le bon Claude, t'es pas pire, mais il était une autre époque. Qui est ça? Jean-Martin. Les entrevues de Jean-Martin, t'es clair. Des oreilles. C'était passionné. Le pingouin. C'était passionné, émotif. Ouais. Je t'ai rien, il avait bien de la sauce. Le feu dans les yeux. Asti, qui était stiff, lui. Asti, c'est plate, ce gars-là. Asti, il bougeait comme. On va faire le party avec Jean-Martin. Il bougeait comme Danny DeVito dans Batman Return. Mais moi, c'était. Je fais pas capable d'arrêter de regarder ses oreilles. Ouais, c'est ça qui. C'est un problème. C'était merveilleux. C'est un problème. Jean va faire un gros deuil. T'es comme Dumbo un peu. T'as peur que ça en va. Pauvre Jean. Ah, pauvre Dumbo aussi. Est-ce que c'est plate? Est-ce que c'est vanille? Ah, deux fois qu'on dit vanille. Vanille. Ça, vanille. On ramène ça à... Ouais, t'as dit vanille, oui. Vanille. On ramène ça... On va prendre les crèmes à glace à vanille. Bon corps avec Gauthier, oui, ça ne l'était. On va te prendre une petite molle à vanille. On va l'offrir à M. Gauthier. Ouais, Gauthier, ouais, exactement. On en a reparlé l'autre fois. On en reparle encore. Esti, man, on roule ces mêmes affaires, ça fait 15 ans. C'est ça la base du show aussi. Mais c'est le Canadien, c'est ça aussi. Ça de chaud de boomer. Mais parlant de ça, souvenez-vous les conférences de presse de Pinot. C'était malade. Je me rappelle juste que comment. Peux-tu ressonner une autre fois pour moi aussi, s'il te plaît? Bon, si ça va. Ça va faire. Tout ça va. Toi. C'est bien, une bière. Hey! J'ai regardé la mise. On dirait qu'on se fait donner des piments. Un piment à bonnet. Tantôt, Dave, t'as considéré... Comme dans La Bonne Vieille. Ouais, donne-nous ça LSDP, avec ton œil de... T'as dit qu'on t'a demandé si Suzuki était un joueur élite. Oui. C'est une question qu'on a posée d'ailleurs à Martin Saint-Louis. Genre de question un peu de même. On lui a demandé son comportement à Suzuki contre les joueurs élites de la Ligue. Comment il aime ça? Suzuki. Ouais, mais je pense que cette année, on en a parlé souvent. Souvent, je pense c'est je me répète un petit peu. Oui. Il était très bon joueur dans la Ligue. Puis Suzy, il fait face à tous ses joueurs. Suzy! Puis je pense avec ça, il y a une grosse progression. Cette année, Suzy, à cause de les responsabilités, les répétitions qu'il y a contre ces gros joueurs-là. Sacrement Suzy. Non, moi, je suis vraiment fier de son comportement cette année, de son évolution dans tous les départements, côté leadership. Sa game de 200 pieds, c'est sa scoring touch. Mais c'est du coup, on va lui donner que. Mais je pourrais continuer. He means. Il joue comme un, leader. Il joue comme un cadre. Il croit par 10 ans. Tu sais, il dit pas ça juste pour le il y a la face d'un gars qui croit ce qu'il dit. Il est vraiment fier de Suzy. Sa game de 200 pieds. Ah, mais Suzuki, c'est un. Sérieux, Suzy s'en va sur la bonne pente. Non, mais une affaire, je veux dire, de Saint-Louis, c'est que genre. Il est aimé par les journalistes, par les joueurs. Parce qu'il est en il y a sa chambre. Lui, mais, je pense que. Il est one of the guys. He's one of the boys. Il est tellement récemment retraité, puis il est encore tellement dans la game, qu'il est one of the boys, je pense. Mais dans 2 ans. Vas-y. Dis-moi les marques. Quand tu vas avoir une saison que tu es compétitif, puis là, il va avoir le heat pour vrai sur lui, là, c'est là que ça va être. Ouais, mais là, pour l'instant, ce qui est facile. Il va s'en qualifier, tu veux dire. Oui, il y a le beau jeu, parce que là, c'est facile, parce qu'on est en reconstruction, puis s'il dit. T'es en reconstruction, tout exact. C'est vrai, ça, par exemple. Mais. Ça, Martin, là. Martin, ça, je te le donne. Ouais, mais il va avoir du crédit. Ça, Martin, je te le donne. Il va avoir du crédit par rapport aux journalistes. Ils vont être plus. Comment je dirais ça? Lenient, en anglais. Mais ce que j'aime, c'est que en ce moment, oui, éventuellement, il va se faire demander pour des résultats. Se parle, les résultats sont pas tant tangibles d'un point de vue équipe. Mais parce qu'on n'avance pas tant, mais d'un point de vue individuel, on vient de voir Yoti qui allait travailler. Caulfield, même on peut chialer qu'il n'y a pas 40 buts, là, mais il joue bien. Il y a une progression, Caulfield. Armia, Slav, c'est ça. Il y a concrètement une progression individuelle de ses joueurs. Parce qu'il prend du temps, puis tu vois son impact avec ses joueurs, puis les joueurs le disent. Moi, je pense que Caulfield a une progression cette année. Il joue sa game. Il n'a pas scoré autant de buts. Mais il a fait des choses différemment, puis il apprend de nouvelles affaires. C'est plus le one trick pony de tirer en haut. Exactement. Il fait beaucoup plus de choses dans la zone offensive qu'il faisait avant. Il va se démarquer pour tirer. Exactement. Il développe sûrement d'autres skills parce qu'il n'y a pas de joueur qui l'accompagne qui fait ça, admettons. Parce que lui, Parce qu'avant, il se mettait toujours dans le cercle qui attendait. Il se plaçait à la place d'Ovechkin. Il veut scorer. C'est son spot pour scorer. Il est là. Juste qu'il n'y a pas la chaîne. C'est son marbre, le man. Le gabarit d'Ovi, il n'y a pas le. C'est sûr, c'est son spot. Mais si tu le mets avec des meilleurs passeurs, tu le mets d'un autre team. Qu'est-ce que c'est un bon passeur? Oui. Ah, mais moi, je pense que. Je te parle d'un passeur à def, genre un Markov. Mais est-ce que. Un Markov. Stop living in the past, man. Est-ce que l'année prochaine. Sheldon Souris. Mais est-ce que l'année prochaine. Non, Alex, on n'a jamais eu ce Mart, là. Mart, est-ce que l'année prochaine, Cole ne devrait pas jouer, mettons, avec un Dak Coco Un gars plus gros, un Kirby Dak, mettons. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de presse en ce moment. C'est ça l'affaire qui est cool. Pour lui faire de la place un peu, justement. Un Kirby Dak, peut-être un New Hope. Mais si Dak. Si Dak est capable de jouer. Un bon passeur créatif qui est capable de contrôler le puck, que lui peut aller. Mais Kirby Dak, à date, je ne sais pas, je ne le connais pas. Non, je suis d'accord, mais ce qu'il a fait, vrai, j'ai aimé ça. Ouais. La différence entre, mettons, Kirby Dak et Dvorak, c'est que Dvorak, il ne joue pas. Puis quand il joue, il ne fait rien que j'aime. Ah. Je ne le vois pas jouer ce gars-là. Tu ne l'aimes pas, dans le fond. Tu ne l'aimes pas dans ton cœur. Non, mais je le trouve tellement. Il n'y a pas de saveur. Ah ouais, man. Ouais. Il est beige. Il est à vanille, c'ti. Il est vanille, triple vanille. À la défense, on a Power Jeff qui dit que Goulet, c'est son point fort de la saison. Encore lui, tous les jeunes ont progressé. Mais ils ont la place pour progresser. Je pense qu'à ta question de Cole, Coco, s'il jouerait avec Dak l'année prochaine, je pense qu'il ne défera pas son trio numéro 1. Si Dak, en revenant, mettons, avec New Hook, ça marche, puis qu'un troisième joueur fait que ça devient un trio complet. Si Dak a de la misère avec New Hook ou avec un autre, il va-t-elle vouloir descendre Coco pour avoir deux duos? C'est parce que je me demande si là, présentement, on n'a pas, beaucoup de profondeur, je trouve. Ouais, quand tu tombes au deuxième trio, tu tombes de genre, tous tes meilleurs joueurs sont à un. T'as Slav qui se développe en tabarnak. T'as Caulfield qui est supposé d'être un de nos top scoreurs, puis t'as Suzuki qui est notre centre, qui est genre élite, là, c'est-tu quasiment, là, à Star. On l'a dit, on l'a callé ici, élite. Élite. Élite, en ce moment, les Canadiens, là, t'as juste comme une partie de l'équation, t'as pas, genre, le résultat final. Ouais, une partie de ce que on tu vas voir. On n'est pas encore, we're not there yet. Il reste 2 ans. Après encore un bon 2 ans, moi, je pense. Ah, facile. Oui. Facile. Ah, ben, ouais. Parce que puis un bon 2 ans, c'est minimum. Puis un bon 2 ans dans le sens de... C'est minimum. Oui, mais aussi dans le sens de... Ça va prendre des choses concrètes. Il va falloir faut commencer à faire une série, par exemple. Des bons picks ou des bons échanges. Parce qu'il va falloir dans le chat, d'ailleurs. On parle d'un... Il nous manque un élite top 6. Mais il nous manque une défensive, là. On a coulé pour le futur. C'est Mayu qui s'en vient. Mais Ryan Backer, il y a Hudson qui devrait éventuellement s'en venir. C'est ça, j'ai hâte de voir Hudson. Mayu, c'est un D, right? Ouais, ouais. Mais comme te dit Alex, un bon 2 ans. Ah ouais, 2 ans, il faut commencer à faire les séries pour que les gars commencent à commencer. Ouais, mais admettons là, que ton équipe arrive assez forte pour arriver, admettons, dans la zone que toi tu parles, là. Okay, dans cette fenêtre-là. Mais zone de série. Quoi? Oui, mais t'as combien d'années? Ça, c'est bon pour 3 ans. C'est un petit gap de 3 ans. Ils sont jeunes, faut tous tes signes. Ouais, c'est Toronto capable de créer son. Mais avec la masse salariale, aller chercher le goaler. Non, plus besoin de. Mais là, le problème, c'est que. Le goaler, ça coûte plus cher. On s'entend, c'est fini ce temps-là. Mais là, et tout, le problème, c'est que là, on a des Anderson qui gagnent genre des quoi, 5,4 millions. Dvorak qui gagne 4,5. Gallagher. Mais c'est parce que c'est des cons. Hey, Chris, Anderson, il est genre jusqu'en 2026. Anderson et Gallagher, c'est le problème. Je suis d'accord. Gallagher, tout, c'est loin. Solide en calice. Faut-tu bâtir une équipe? Parce que là, on a des gars qui nous coûtent. On a 28 choix de première ronde. Et puis ces gars-là. Que tu peux amener dans 5 ans, mettons. Si on les a plus, on va chercher un gros agent libre. Pour compléter notre noyau. T'as raison, Mark. C'est pas juste le team que tu rebâtis, c'est le club école aussi. C'est tout ton fond. Parce que ton team arrive à maturité, il va falloir que tu aies des prospects dans le club école qui sont prêts à rentrer dans le show quand que ça va être le temps. Tu sais, genre, qu'ils soient prêts à être des bons joueurs à ce moment-là. Tout ça pour avoir un team différent. Team différent. Dernier extrait qu'on a, puis on est ailleurs, là, on est après la game contre Colorado cette semaine, et puis ça n'a pas tant rapport à la question, juste qu'on écoute la réponse, puis qu'on essaie de comprendre ce que Martin Saint-Louis dit. On lui demande, genre, ton deuxième powerplay à la fin, pourquoi t'as envoyé Armia puis Evans? Je m'attendais pas à ce que Suzy, j'avais connu ta mère, je pensais que Suzy, elle amenait ça, la première unité, elle amenait ça plus profonde. Côté là, jusqu'à la fin de la punition. Fait que ça m'a surpris. Puis c'était Jake, puis HP, puis Armia qui allaient finir parce que le sugar va sortir de la boîte. Puis ils vont enlever le gardien. Fait que je vais être prêt pour ça. Mais je voulais avoir 2 défenseurs, ça c'est sûr. Puis j'ai été surpris, ils ont sorti un petit peu. Mais ils ont eu beaucoup de place en 3e, je comprends. C'était tellement une réponse en joual, celle-là. C'était fou, là. Ouais, ouais. En joual. C'est la boîte, puis. C'est pas Suzy. Suzy. Sacrement Suzy. Sacrement Suzy. Il l'appelle-tu de même pour vrai? Veux ça plus profond. Suzy veut ça plus profond. Après ça, il a dit dans le sens du hockey, là. C'est probablement qu'il fallait sa game de 200 pieds. Mais, une couple de commentaires qui viennent de passer là, depuis 2-3 ouais, minutes. J'adore Jacker, moi, avec. Puis, ouais. Oui, c'est sûr qu'il va falloir trader un moment donné un de nos prospects défenseurs. C'est clair pour avoir plus que ça. Parce qu'on a quand même beaucoup, mais il va falloir savoir qu'est-ce que ça vaut, nos défenseurs. Parce que on a bien beau d'avoir une chier. Mais s'il n'y en a pas un qui est comme vraiment top. Là, tu sais, mettons Byron, on parlait de lui, Byron, tantôt. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment son trade maintenant? Il vaut-tu plus qu'un 2? Il vaut-tu maximum un 2? Il vaut-tu un 3? Baron. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais c'est ça l'affaire. Il faudrait savoir comme un peu la valeur de nos prospects aussi, parce qu'on a bien beau en avoir beaucoup. Mais si, dans un an, on dirait que plus que le temps passe, plus souvent la valeur des prospects descend, là, c'est sûr. Ouais. Mais si on se retrouve avec 6 average, on n'aura pas grand-chose. Hein. Fait que c'est un mais peu, Baron, là, quand on a eu les ça. Baron, on a eu ça dans un échange. Avec Colorado pour Lekkonen. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Ouais. Avec d'autres choses et tout, non? On a eu, c'était quoi, un échange ouais. multiple, là. Oui, oui. Ouais. C'était pas juste un pour c'était un. C'était un package, là. Un package deal. Un package deal. Un petit paquet bien ficelé. Non, on ne se souvient pas les acquis, là, les assiettes. Non, mais Dracel, ouais, t'as hâte. Joshua. Des assiettes. Joshua, ouais. Ouais, écoute, c'est le meilleur prospect, mais c'est un prospect, c'est un bon troisième gars, troisième trio à date. Ouais, monsieur Joshua. Ouais, mais dis donc, pas tant hot. Pas tant hot, mais quand même. Non, mais. Pour le temps qu'il était là, c'était quand même impressionnant. Je suis d'accord. Non, mais je comprends les commentaires. Puis oui, on a raison. Il a été bon dans ce qu'on a vu à date. Mais d'un point de vue valeur pour la ligue, c'est sûr que ce sera pas un top valeur. Ok, mais regarde, mettons Logan Paul. Logan la valeur Paul. Dans la ligue. Logan Paul. Logan Paul, What? Logan Paul. You know what I mean. Il a compté deux buts. Jake Paul. Logan Paul. Hey, c'est quand même un USA champion, champion sorry, ça, guys. US champion. Sinon, Paul, là, avec t'aimes pas, man. Ce gars-là, il n'y a aucune valeur dans la ligue, mais Chris, c'est bon, man. Ouais, Chris, oui. Non, mais exact. Je te comprends, mais dans ce cas-là, si Joshua Roy, t'es pas capable d'avoir rien d'intéressant. Nick Paul? Non, c'est quoi? Non. Je pense que c'est Nick Paul. Oui, c'est ça. Merci, Drake. Nick Paul. Logan Paul. Mais Dark oui. À cause que tu avais un peu de lutte tantôt, 5 minutes. C'est là. Ça, on a parlé, puis le nom est resté. Logan Paul. Ah non. Mais, il est fun à y, par exemple. Oui. En tout cas. Mais c'est Logan Mayu aussi. C'est peut-être là que tu t'es mangé dans le fond. Pas grave. Hey, garde. Vous savez ce que un je veux dire? Logan. Non, on le savait pas. Paul de Tampa Bay. Les frères Paul. Non. Paul de Tampa Bay, ce gars-là, à chaque fois qu'il joue contre le fucking CH, Asti. Il est bon, man. Le boxeur. À chaque fois, je le vois. Puis c'est un gars. C'est un gars, troisième trio. Ronald Reagan. L'acteur. Il n'y a personne qui pogne la référence. L'acteur. Hostie. Il est tout chier. Fuck you. Moi, je vais en rester sur mon sol. Je vais à texter. J'ai fini les extraits. On pourrait aller faire Run the NHL. Je dirais qu'il y a genre 4 vidéos, puis c'est tout ce que j'ai. Fait qu'il se souvient. Ouais, on est Chris. Non, non, mais on peut la faire dire. Ok, bye! Avant que vous ayez besoin d'une pause papy. Non. Bon, ben d'abord, on va y aller. On va aller faire un round NHL directement. Dans le temps, mort, dans le temps. Nos grelots. Nos grelots. Pas de grelots, mais c'est sûr. Ta voix est tellement genre. C'est dégueulasse. Un peu. Est-ce du ASMR de voix d'annonceur? Oui, tellement. Vu ça, bonheur, on peut s'en faire un. Faut toutes les refaire, ces autres jeux-là. Je pense que ça prend. Tu dis la même affaire, mais avec un son genre que tu tournes des pages en même temps. Que je me liche le doigt dans le genre. Re-bienvenue à Cromp Écoute. Ben oui. Cromp et compagnie. GF et compagnie. C'est ça, c'était pas si hot, là. Premier podcast de podcast. J'étais seul. Non, on l'a fait avec toi. Oui, mais t'es, on faisait à distance, ouais, ça. Ouais. Ça, c'était avant la jasette. C'est la première fois. Ça, c'est commencé. Les premiers podcasts. Ah, c'est clair, ça va se passer pour vrai. Excuse, Power Jeff. Oui, c'est clair, ça va se passer. Il y a trop d'argent à faire. Oui, ça se passe, c'est sûr. S'il y a un pay-per-view que je vais acheter, je pense que c'est celle-là. Je ne paierai jamais. Ça va être Netflix. Ça va être Netflix. Je vais le checker. Je ne paierai pas beau. C'est sur Netflix gratuit. Ah ouais? Ouais. C'est sur Netflix? Ouais. Gratis? Ouais. Gratis? Paye Netflix. What? Confirmé, ouais. Ouais, ça a l'air que oui. Ouais, c'est confirmé. Puis quelqu'un va se faire tuer. What? J'espère que c'est Jake Ball. J'espère que c'est Jake Ball. C'est Logan et Jake, le tag team contre Tyson. Voyons, Jeff et compagnie, c'est sur Justin.tv dans le temps. C'était le avant retour, c'est le retour des vieux temps. Hey, t'as Mike Tyson Justin, qui se bat contre Jake Paul, puis t'as The Rock qui va revenir à WWE. Mais c'était là que j'ai été sur Justin.tv pendant un petit bout. Yeah. Mais ouais, Alex, t'es là. Ouais. T'as fait une coupe d'affaires aussi. Ah ouais. Un gars s'est mis avec qui j'allais au cégep. On était là, on était là. Je pense qu'on parlait de hockey d'ailleurs, des fois. Je sais pas si tu venais me parler de hockey. On avait des chroniques de hockey là-dedans. C'est ça qu'on avait chacun des chroniques, puis moi, je vous parlais dans un live. Ouais, c'est ça. T'avais qui venait à ce show-là qui faisait. Il y avait Samy qui était au cégep. Oui, faisait des affaires drôles. Samy Bessette. Samy Bessette, yep. Il est rendu où ce gars-là? T'es où, Samy? Ah, il est en train de faire un sixième bac à l'université. Il changeait de sexe. J'ai vu des photos, je vais dire ah, ok. C'est Samuel là? Non, ben. Ça serait complété. Je sais pas si c'est complété, mais c'est ça. On parlera pas de quelqu'un que j'ai pas vu depuis 20 ans. Ben non. Ben on le salue. On le salue. Salut Nancy! J'espère que t'es heureux. Salut Samy. J'espère que t'es heureux. Salut Suzy. Quelque chose, Suzy. Suzy, on l'a plus. Mais non, mais c'est le hop, là, puis sur Discord, tantôt, j'ai demandé aux gens comme que vous voulez quoi comme bonus sur Patreon. Puis tout le monde a quasiment dit comme qu'un podcast de moi tout seul. Je vais vlogger. Là, c'est comme, je peux m'asseoir là, j'ai un studio, je peux le faire. Peut-être que ça sera ça. Un podcast tout seul. Moi qui se vide le cœur, je sais pas où, mais ma journée, je sais pas quoi. Là. ça va être bon. Les chroniques de GF. C'est moi qui tresse une corde à chaque épisode. Puis genre, jusqu'à là que je me parle. Aujourd'hui, j'ai pas une bonne journée. Les chroniques. Les chroniques de GF ou en anglais, GF Chronics. Oh! Aujourd'hui, on fait un peu de bricolage. Je vais scier une patte. C'est ça. On va se construire une pergola. Il y a un bonhomme pendu dans le fond, puis de plus en plus, il y a des X. C'est juste à moitié. Alors, je prends mon Eguin. Je vais voir ce que je vais faire. Là. Ah, regarde. Don't you fucking do it. Bonne question. Don't you fucking do it. Attends, moi. Don't you fucking do it. Drekel, bonne question. Tu veux pas que je vlogue, Alex? Ou tu veux pas que je me pende? Tu pendes? J'ai un fils, je peux pas. Je veux pas que tu fasses les deux. Sinon, on s'est déjà fait. Ouais, ça, c'est comme dans la cheese. Je me souciderais bien, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai des affaires. Je suis brûlé, là. Si je t'aboute, là. Okay, mais ouais, Drekel, bonne question. Je dirais, on le garde parce que si on est allé chercher un gars comme Colin White, parce qu'on a besoin de monde sur notre line-up, non. Je pense qu'on va le garder. Armia, on le garde. Josh Anderson, bye bye. Armia, t'as rien. Je pense pas que t'as une grosse valeur là. Quand même. Mais non, t'as rien pour Armia. Il y a une bonne. Là, ça va bien. Là. Non, moi, Josh. Mais, je veux dire, ça fait. Il y a 30 ans. Tu peux l'ajouter, mais ça serait comme. Dvorak. Dvorak, Anderson, Gallagher, ça coûte cher. Gallagher, je regarderais juste pour les mots. Dvorak, il reste un an, genre, on va juste. Mais qui est Dvorak, il expire en. C'est l'année prochaine. Puis UEFA. Mais là, c'est quoi le. L'autre, Anderson, il reste genre 3 ans, je pense. Mais personne ne va vouloir Anderson. Personne ne va vouloir Gallagher. Anderson, peut-être avant ici. Peut-être. Mais il va falloir que tu gardes une partie de son salaire, sûrement, encore. Plus de contrat pour ça, mettons. L'année prochaine, on va en avoir. Mais Gallagher, faut que tu rachètes son contrat. Il y en a un qu'on pourrait racheter, par exemple. Tu peux pas racheter Gallagher. Tu peux pas racheter. Faut qu'il se blesse à la retraite. Ouais, mais. Ben oui, ben, sérieusement. Faut qu'il se blesse à long terme. Pour vrai, là. Faut comme, ça, c'est un des pires contrats que Bergevin a donné. Ça serait comme la meilleure façon de faire. C'est le pire contrat que Bergevin a donné. Ouais, mais. Tu le fais compenser un gars pour ce qu'il a fait dans le passé. C'est dégueulasse. Je comprends. Mais les règles. C'est arrangé qu'il arrive un petit accident. Ouais. Genre Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan. C'est genre un gars de baseball. Un coup de barre dans le genou, hein, dans le genou. Dans le genou. C'est parce que. L'opération à Samy. Un genou. Un genou. Ça s'appelle Brenda. Mais. La gueule a moins de cheveux que Guy Lafleur avait. Oui. Effectivement. Hey, quand il perd son casque et qu'on voit son fond de tête. Oh, il est parti au vestiaire un moment donné cette semaine dans la game. Tu voyais juste son bord. Quand tu vas au Sandbell, il y a une section où tu es assis. Ouais. Dépendamment que si t'es à bonne place, tu peux te faire éblouir dans les yeux quand il y a son casque. Ben, moi, je l'ai dans le front. Ils ont des lumières là-dessus, quand tu t'assois, ces bancs-là. Il y a tout le temps des lunettes d'éclipse. Est-ce qu'on est sur la nouvelle? C'est bon. Protégez-vous pour l'éclipse là. Hein? Mettez-vous des lunettes que tu vois pour l'éclipse. Ouais. Pour l'éclipse. Pour l'éclipse. On est à Run the NHL. Tantôt, on parlait de Saint-Louis, qui est un bon père de famille. J'ai deux affaires de parents-enfants à vous montrer. Très le fun. Dont, on se rappelle tous de de Shane Doan. Shane Doan. Fils a marqué son premier but cette semaine donc dans la Ligue nationale. Josh Doan, si je me rappelle bien son nom. Super Arizona. C'est son nom. Oui, il joue pour Arizona. J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom moi aussi donc en fait. Second of the juste qu'on pourrait imaginer qu'il était content là, comme un bon père content de voir son fils. Il a même donné en fait la poque de son but là après. Regarde comment il est content. Lève ça. Assois, je te fais la passe. Bébé, assois en four. On en fait un autre. On en fait un autre. C'est comment qui va nous rapporter beaucoup. Il porte le 91 vu que son père portait le 19, c'est du cul. Tu sais, on peut-tu. Regarde, il va donner la poque de son but à son fils. C'est pas beau, ça. C'est trop show TV, là, pareil, là, tout ça, là. Il fallait que je cherche trouver des affaires Running Rangers. Ça, c'était la rondelle. Merci. Aïe, moi, je serais curieux. En plus, c'est dans le petit Chris d'Arena. C'était quoi les ratings ou. Genre des. Comme ah oui, ça doit être nul. Télédiffusion, là, maintenant. On n'a pas vu moi cette pierre. Télédiffusion, ça. J'ai eu genre un AVC en même temps. Non, non, t'es juste chaud. Mais oui, c'est dans les petites arénolettes là, qui sont là, en Arizona. Oh, moi, c'est pas grave. Pour Phoenix, là, c'est gros, mais est-ce que vous réalisez à quel point ça fait pitié, cette franchise-là, pour que Shane Doan soit la plus grande star qu'il y a eu dans cette équipe-là? Ben non, respect, c'est cool. Moi, ben, il y a eu une belle carrière, quand même. Oui, oui, mais quand on dit... Regarde les autres équipes. Number one star de l'histoire de club. Mais c'est une franchise de merde, là. Ça a été une franchise de merde. Parce que dans chaque autre équipe, on peut donner un gars qui est vraiment une vedette, là. Mais oui. Tu sais, Arizona, comme... Je pense que jour 1, c'est une franchise de merde. Ah, ouais. C'était fini c'est jour 1. C'est comme nous autres, genre avec notre équipe de soccer à Montréal. Là. Jour 1, c'est une franchise de merde. Non, mais c'est ça. Le fromage, c'est pas si pire que... C'est moins pire que les Coyotes, je pense. On a eu tiré en fait. En fait, je dirais que c'est au même niveau. Mais c'est ça, mais c'est au même niveau. C'est au même niveau. Ça va. Imagine, l'impact a... même plus bas. Je pense que l'impact a plus de... Non, mais hey, on va se le dire, là, l'équivalent de Phoenix, c'est les Roadrunners, style. Hey, ou la machine. Parlez-vous de la machine? Les Roadrunners, c'était le hockey en rollerblades. Ah oui, ça va au sud. Ça a duré un bon 20 minutes, ça, le hockey en rollerblades. Ça a duré deux périodes. Un roadrunner. On jouait quand le genre. Fallait qu'ils changent leur frein en arrière de leur rollerblade parce que le petit. Le petit caoutchouc était brûlé. T'as tendance à se briser le frein en plus, ça fallait que je change. Briser le frein, c'est pas drôle. Non, on parlera pas de ça à soir. C'est pas une jasette. C'est pas une jasette. Pas une jasette. Deuxième extrait maintenant. Bon, là, je vous parle de Steve Ott maintenant. Steve Ott, c'est son gars. Ah oui. Ça, là, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais ouais, Steve Ott qui est rendu assistant coach avec les Blues. Son fils en haut, Maverick. L'image est malade. Qui, mais la face de Steve Ott, il vient de scanner le problème. Il rit. Qui craque un petit sourire à un moment donné, là, comme Steve Ott, de comme. Ah, oh, calice. Son fils, il a eu son moment sur le gratte-écran, puis son père l'a vu. C'est incroyable, ça. Là. C'est là, là, c'est juste après. C'est juste après, tu sais, juste là. Là, il rit, là. Il fait comme, ah, oh, il dit, Chris, c'est mon gars. Ah, ça fait une couple de semaines, ça, mais je vais y parler à soir. Ah, si, je suis fier de toi. Devant sa mère, là, tu fais pas ça. Yes, tu veux 20$. Hey, Power GF, il a dit que Judge fait un DIY en Arizona. En plus, non. Il y a quelqu'un qui fait un DIY. Ah, oui, ben oui. Ah, non, non. Je pensais que c'était un autre en plus. Je pensais que c'était un number two. Ah, mais là-bas. C'est un autre. C'est le deuxième fils de Shane Doan. En Arizona, t'as ton genre de chèque. De NHL. T'as ton chèque, OK? Ton ok, Danny NHL, t'es zéro connu des médias là-bas parce que tout le monde se calisse du hockey. C'est sûr. Fait que tu sors d'un bar, puis tu hey man, puis en plus de ça, est-ce qu'il paraît genre en Arizona, c'est la place de faire de la poudre solide, genre? Ouais. Ben oui. Une fois, t'aurais pu avoir le bol de coco. J'aurais pu le remettre encore. Non, mais pour vrai, Ruziska. Je me souviens plus si j'avais entendu ça. Ça va prendre le coco sur le board. Mais en Arizona, à ce qu'il paraît, c'est genre... Dans le désert là-bas, Zeppelin. Tu peux genre. C'est fou. Sur le pay-up. Mais tu peux enterrer une prostituée. Hein. L'Arizona, c'est là que ça se passe. C'est un état de malade, vraiment. C'est carrément là-bas. Là. Ouais, c'est un super état. Là. Il y a plein de retraités là-bas. Tu peux jouer au golf de fou, tu peux juste te promener. C'est juste écœurant là-bas. Mon père, c'est super beau, il paraît. C'est la place des retraités des States. Ils vont tous. C'est fini leur vie. C'est la poudre. Mon père va là une semaine par année jouer au golf. Ça poudre. Apparemment, l'accès aux vices, genre. n'importe quoi, drogue, jeu, est tout disponible. Ça, c'est genre, c'est là, là. Puis c'est genre, tu trouves ça pas mal. Les gars, on va faire un voyage. Je pense que c'est le temps de vous annoncer que la soirée de podcast, la prochaine, on va diviser en Arizona. Je vais vous lâcher un fun fact, tout le monde qui suit, puis vous autres. À Sedona, c'est une des villes, super belles villes à visiter en Arizona. C'est la seule place au monde où est-ce que l'arche de McDonald's, là, l'arche mauve, jaune hein? Et bleue. Ouais, bleu, ouais. Parce qu'il faut que ça fit avec le look, le design de la ville. Fait que c'est la seule place au monde que tu peux voir le M. Il y avait une affaire aussi par rapport aux avions. Oui, je c'est fun fact. Bleu, fun fact. C'est pas une affaire avec les avions. Mais c'est ça, mais je me souviens plus la raison. Mais c'est la ville de Phoenix, j'aurais pas faim, en fait, là, qui est comme la genre de plaque tournante de party à côté. On a dit que deux conversations en même temps. Mais je sais pas si j'ai jamais entendu cette réputation-là, mais j'ai pas peur. J'ai pas de doute à te croire. Pas que c'est caché, mais je veux dire, c'est comme le monde qui où je t'ai caché. Ils sont encore sur la poudre en Arizona. Personne va se dire, hey, en fait, ça m'a dit, j'ai acheté un gramme de poudre, puis on est allé triper. À part avec des mio, on va ton boss, si lundi matin, tu prends ton café, les gars. Hey, yeah. Ça fait toi, hein, les enfants, moi, toi, la poule. Moi, la bonne bébé zone. Ben tranquille. Le jour comme ça, poule. J'ai guéri de Nio aussi. Avec un gars de bédable, là. Ben relax, le gars, on s'amusait, là. Mais pourquoi pas, aussi. La dernière fois, je suis allé au Centre Bell, dans la nouvelle section à Canada. Hey, là, je fais mon mallette, hein? Ouais. La dernière fois, je suis allé au Centre Bell, dans la nouvelle section Air Canada, là. Les gens de loge. Air Canada, t'as ça à poudre. T'as une gang de gars en avant de moi qui faisaient de la poudre solide. Est-ce qu'ils s'en collissaient, là? Live de même, là. Ça ouais, vraiment, là. Direct, là. Il était pas gêné, là. T'aurais dû le dire à l'eau. Du sucre en poudre. Puis il prenait des shooters Snapchat au pêche. Ah! On dirait que tu viens tout péter. Tu es tout détruit. Tu m'aurais dit Jack Daniels ou du Jameson. Ça, c'était pas moi. On a un si beau rêve. Ça, tout est cassé maintenant. Tu me reconnais pas. T'aurais pu me dire bonjour, mais j'ai pas. Hey, on se fait-tu une ligne de poudre? Oh, let's go. Shooter de schnapps au pêche, les boys. Shooter de schnapps au pêche. Malade. It's so good. Ils appellent ça des Phoenix. On fait Phoenix! On passe de Phoenix, on s'en va maintenant à Boston voir Céline! Céline dans la foule qui capote avec ses deux. C'est l'air fucking, man! C'est croquette, man! Dégueulasse! Mais elle a l'air bien, là! Non, check si elle a l'air! Non, elle était pas. Ça, là! C'est un affront! Ça, c'est cringe en tabarnak! Ouais, puis c'est un affront qu'on dit. C'est weird! Check comment ça, là, quand elle lit le speech, là. Ah, mais c'est du cringe Céline, là! J'ai pas mis l'audio parce que c'était trop malaisant. Non, mais c'est trop malaisant, je ne vais pas le mettre. Là, mais elle fait juste chanter une petite toune. Elle fait comme. Puis là, tout le monde rit. Puis là, elle est dans la foule avec ses fils, avec leur moustache molle. Puis... C'est exact, la face. C'est comme un peu semi-fini, genre. Fait, comme ben oui, trois mais... quarts finis, je ne sais plus. Là. Regardez ses fils, comment sont... ils retiennent de René, dans le cas de René. Les moustaches molles, ça. C'est assez... René Charles, c'est le plus grand. C'est tous des impresarios. Ouais. Check lui, il y a une traque de poche-feu dans le milieu. C'est cool. Check à Moon à la fin. C'est cool parce qu'ils sont venus à Montréal faire un genre d'affaire de même, puis il y avait des chandails du Canadien, puis là ils sont allés aux Bruins, puis il y avait des chandails des Bruins. Mais les mêmes couleurs en plus. Ouais. Il y a un de ses fils, c'est sûr, c'est une tapette. Ça, elle est sur la poudre. Il y a tout le temps des chandails mauves, puis tout, man. C'est sûr, c'est tout. Le gars avec la moustache molle, à la fin qu'on voit, là, I'm calling gay. Il a le droit. Ben, c'est correct, là, on va mettre dans le pool pour ça. Alex, sorry, moi, je suis pas woke, man. Fait qu'en moi, la Alex, ça range qu'on va se casser. Alex, il dit ça d'abord. Il vous aime, là. Je m'en crisse. Alors, mais il est où? Elle est où la tapette? C'est pas le mic drop de la soirée, là. Il y a pas de carotte à soir. On shame tout le monde à la place, là. Ah, ben, pour qu'on est pas commandité. Ouais, aussi. Mais en fait, pour rebalancer tout ça, je pense qu'on devrait aller dans la violence maintenant pour finir. Ah, c'est bon, ça. On va aller la game des Rangers contre les Devils. Après, je vais t'écrire le message que tu mets. Mais c'était J'ai un 4 minutes, là, puis il y a un genre de bataille générale. Bart, tu vas appeler ça les grands ballets, toi. Hey, Rampé, pour vrai, là, c'est le gars qui joue le moins... C'est le fighter le plus poche que j'ai jamais vu. Lui, il va mourir dans 2 ans. Man, sérieusement, lui, là, il va finir comme Chris Simon. Il mesure 8 pieds. Si, il est prêt à se défendre. Il a mangé 6 shots de La main dans les airs en arrière comme ça. Là. Ah, il fait pas grand-chose pour lui. Mais ouais, bataille générale en début de game comme ça. Check le nombre de shots qu'il mange. Ah, mais là, Là, on est ça va revenir à lui. Là, mais check bien ça, la séquence qui s'en revient. Check bien ça, Dave. Check bien ça, comment il se mange des shots francs à un moment donné. C'est goûteux. Goodrow. Il est mauvais. Il y a ce bang. Il a mangé trois, là. Ah, mais ça, c'est pas Rampy. C'est Rampy? Oui. Ouais, okay. Bang. Bang. Ouais, ouais. Bang. Il rentre tout. Non, il l'a pas pogné. Lui, il n'y en a aucune qui rentre. Il n'a pas pogné. Il n'a pas pogné. Il n'a pas pogné avec le chandail aussi. C'est terrible. Chester Kinn, il a même droppé son gain. Ouais, il était prêt à se battre, Chester Kinn, mais il ne voulait pas. Il tombe. Il mange une shot. Il en a mangé une shot. Ah, il y avait un mâchoire bougé. Hey, t'es gars, mec, encore. McDermott, man, il tombe pas avec ses shots, là, Rampage. Non, là, mais non, mais Rampage, je sais rien, Le gars, il veut juste jouer dans la chaîne, peu importe. Là. Ah, lui, il fait son show, il a été scratché trois derniers games. Il fait le shit show. Ouais, mais t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit et tout, là? Il a dit, genre, je savais pas qu'est-ce qui se passerait, je savais pas... Parce que là, il s'est fait... Parce qu'il y avait trop de monde sur le banc, je pensais qu'on se ferait un party sur le banc, puis toute l'équipe, puis il s'est fait sortir finalement. Il est goofy, check. Tu sais, quand tu fais ça, quand t'es un fighter, puis tu fais des moves, quand t'es pas Domi, t'es pas Probert, ces gars-là, laisse faire cette shit. T'as pas rapport. Tu seras jamais ce gars-là. Mais non, c'est ça. Tu sais, lui, comme on dirait, il essaie de faire un hype. Là. Il y a Drakel qui dit qu'il aimerait recevoir McDermott. Mais pourquoi ça s'assassine la violette, puis là, pourquoi que. Parce que, en fait, parce qu'au début de la game, j'ai oublié le nom de Green, c'est l'entraîneur. Des Devils, il a décidé de mettre son quatrième sur la glace, puis il a décidé de faire de quoi. Fait que là, c'est probablement la réaction de la violette. Il était pas content. Ouais, mais il devait avoir une shit, là. Il devait avoir une shit. Ouais, mais oubliez pas. Qu'est-ce que c'est Rangers qui gagne même dans ses mains? C'est plané. Son dentier, sa gomme. C'est dans la hausse. Sa gomme, sa gomme. Rangers de New York. Où sont? Il mange des glaçons. Son glaçon. Mais en fait, c'est quand il a vu, il amène ses goons sur la glace. Il a dit, mais moi avec, d'abord. Je pense que c'est son ramp. Ouais, mais c'est sûr. New Jersey a donné son line-up. Après ça, Rangers décide. Exact. Les gars sont crampés, là. Il va avoir. Ouais, parce que. C'est drôle, les gars. Ils sont comme dans le party. C'est le deuxième fastest fight à New York. Il y a une mais tout le monde plus rapidement que ça. Une seconde, ça fait deux secondes. C'est imbattable. Ben, l'autre de la compétition, c'est ouais, ça. Mais le game Escanda, c'est juste les cinq dernières minutes. Non, non, de la mais game ça, maintenant, c'est là. Everybody, got a everybody on the ice got a game Escanda. C'est arrivé sur Vancouver, Calgary, avec Tortorella. C'est même affaire. Garde-les, arrête ça. Il fait sortir, puis il est tout fier. Il y a 10 minutes. Il n'y a pas le talent pour ça. Il n'y a pas le respect pour faire ça encore. Ouais, non, vraiment. Game misconduct pareil. Ouais, c'est 10 minutes. Il va revenir. Il va revenir. Avec les gueules en sang, là. Non, mais il y a eu gueule en sang. Il a rien fait de dominant. Moi, puis ça, comme... des ce gars-là, il se fait casser à gueule. Il y a eu une bonne fight, puis après ça, il s'est fait péter à gueule. Ben, il se fait tout le temps virer de bord aussi. Tu sais, Jacker, au moins, il est capable de jouer à game, il est capable de patiner, il va faire ça. Lui, il fera même pas ouais, ça. Puis là, qu'est-ce qui est pas fait de Jacker, c'est Caster, il choisit bien. Ouais, il choisit. Quand il faut le faire. Mais ça fait longtemps que t'es pas battu, puis quand minutes. Regarde, cette semaine, là, contre Tampa Bay, il a voulu brasser. Contre Tampa Bay, puis il a pas été finalement, il a brassé. Il s'est pas battu. Mais quand il y a un fuck-up autour du net, on a le replay ici de la bataille vidéo. Le monde se tasse. Ouais, ça, il se fait respecter. C'est comme, hey, Chris. Il y a des gars qui se cherchent, ils font juste dropper de polygone au hasard. On a une vue d'ensemble ici. On a Power Jeff qui dit que c'est Flavor of the Month, on va l'oublier vite. Ah, ben oui, absolument. Je pense, il est-tu vraiment genre. Non, il est mec, c'est un petit Chris de gars. Il est même pas Flavor. Il est grand, mais c'est un petit Chris. Il se mange des grands. Tout le temps, man. Tout le temps. Tout il l'a pogné à peine. Mais oui, le match contre Toronto, c'est en fin de semaine, justement, parce qu'on a deux games en fin de semaine, New York puis Rangers contre Toronto. Fait que peut-être que Reese, Jack Ice vont peut-être arriver en fin de semaine. Si Reese veut se reprendre du début de saison, vu qu'il n'avait pas aimé l'attitude. Avec le net, là, qui se battait contre le net. Là. Ouais, fait qu'on va voir ce que ça a donné. Ça sera pas genre un fight comme Bob. Ça va arriver au bon moment, correct, puis ça va juste être « OK, c'est fait, parfait ». Mais il n'a pas eu sa chance de dropper Reeves depuis. Non. Ce sont pas non, on a eu une game contre Toronto, puis l'autre game, je pense. Hamilton? Oui, Hamilton. Reeves, pas Reeves wow. Il a été LT Scratch pas non, mal. T'es pas avec les Bulldogs? Il y a ça aussi. Fait que, Reeves, il avait refusé une fois. Non, il voulait. Oui, battre, oui, mais oui. Non, il l'a refusé une fois. Il l'a refusé une fois. Il a refusé une fois. Mais c'est dans la même game qu'ils se sont battus, je pense. Après ça, il y a comme. Je pense qu'il a dit. La première shot, il a fait comme. Non, non. Mais c'était dans la même game. C'était la game du début de la saison. Moule Reese. Il y a quoi? Moule Reese. Fait que c'était ça, Run the NHL, cette semaine. C'est le fun. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé dans la liste. Si. On a vu Céline. On a vu Céline. On a vu le fils de Steve Ott enlever son chandail. Ouais, ça, c'était la meilleure partie. Alex a montré qu'il n'était pas woke. Mais, c'est ça. Traiter le fils de Céline de tapette. Mettons pour faire du temps, là. Ouais. Il reste quoi, 7 games? Ouais. C'est quoi votre prédiction de ça va être quoi notre fiche d'ici la fin de la saison? 2-5, 3-4? On souhaite toutes des défaites. Le reste, je m'en fous un peu. Ben non, mais. 3-3-1. On va dire 3-4. Ce que je souhaite, 3-3-1. Le plus de défaites possible. Ben, je vais dire 2 victoires maximum parce que, genre, je veux. Mais là, on est-tu officiellement éliminé? Oui. Systématiquement. Systématiquement. Non, mais je pense qu'on pourrait encore se faire devancer ou devancer des teams si on en gagne trop parce qu'on est trop proche. Je pense que les deux seules choses qu'on peut fighter, c'est soit être 28 ou 26. On est à 3 points de plus que Phoenix. Qui sont 28e dans la ligue, on est 27. Puis on est égalité avec Ottawa, qui sont 26, je pense. Ouais, moi, c'est pas mal juste ça qu'on peut aller. C'est ça, je pense que le maximum qu'on peut dropper, c'est 28e. Non, mais tu sais, t'as Calgary qui est 25 à 73, tu sais. T'as Seattle qui est genre 24 à 75, tu sais. On n'est pas loin de ces teams-là. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Mentalité, mais let's finish on a good note. Ben là, on fait pas les playoffs anyway, là, fait que c'est... Finissons sur une bonne note pour les gars. On a officiellement 2 points de plus que la saison passée en passant. Ah, évolution. Ouais. Déjà, on a progressé. L'année passée, 68. 78. Ben, c'était ça. Et c'est pas fini. Ouais. Il en reste pas beaucoup. Non. Contrairement à l'épisode. Hein? Si. Jeff, il dit ouais. Ouais. Non. Manque pas de beat, moi, direct dessus. Il reste un épisode avant à la fin de la saison, en fait. Là, ouais, donc, qui sera le post-mortem. On va essayer de summoner Mallette à Stick. Mais oui, il faut qu'il arrive. Non, mais là, c'est ça, c'est le post-mortem. Hein? Ouais, le prochain, c'est le post-mortem. J'ai pas d'autres dispo en avril, moi. Ce sera le post-mortem. On va prendre un micro. Le post-mortem. Ouais, ben, ça va prendre un autre micro. Il reste un entrée là, mais ça va prendre un gars de bout. Peut-être qu'on va pouvoir avoir Mallette sur Teams. Un vidéo. On va l'enregistrer après, tu sais. Dis-nous ton plus, dis-nous ton moins, dis-nous ton comment. Comme RDS quand ils font des entrevues, là. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça cette année, nanana? Alors moi, c'est ça. Mais non, ça sera donc le 3 mai, vendredi 3 mai, dernier épisode de la saison. Mais dans le pire des cas, on va caller out Mallette juste pour dire, si t'es pas pour venir, fais une vidéo quelconque pour parler de la saison. Là, je rentre chez eux puis j'arrache son logo de SDP, son chandail. Là. Là, genre, Mallette, mon tabarnak, t'as un petit trou de cul. Oui. Bref, c'est ça. Pas un vrai bon. On vous rappelle qu'on a un Patreon. Là. Si vous voulez que nos micros arrêtent de gricher, là. Ouais. On va checker ça entre les shows, là. Avec le 4 pièces qu'on a, on va faire. À part Power GF, parce qu'il a déjà donné. Ouais, lui, non, t'es correct pour au moins. Ah oui, on peut demander un high five, Mallette. En fait, on pourrait couper les extraits audio de Mallette et les mettre sur le board. Non, mais on va juste faire son plus, moi, mon gars. Juste un mot. On est à Vladimir. On a juste. Ouais, je vais faire ça. Je vais écouter le podcast. Je vais prendre les meilleurs moments de Mallette. Puis on va les mettre en clip. Après ça, son call-out, il va juste dire un nom, genre de journaliste. Ah oui, Félix Séguin. Félix Séguin, sacrament. Ça devrait juste être. Félix Séguin. On fait juste un soundboard de Mallette. C'est incœurant, ça. Fait que t'es bien bienvenu, mon Chris. Voilà, c'était fait. Call-out. On call-out, mon tabarnak. On t'attend pour la fin de la saison, voilà. Donc, on se revoit dans à peu près un mois. Fait que all right, ciao. Bonne soirée. À la prochaine, tout le monde. Boys, ciao. Bye.